deux sons qui cartonnent le plus aux États-Unis à l'heure actuelle, ces sons-là, ça bouge pas pour Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, toujours classé numéro 1, ça bouge pas à la place de numéro 2 aussi, hein. C'est Drake qui est bien ancré à la deuxième place avec One Dance sur Skyrock. Et toi Steph, tu es bien ancré à la première place des présentateurs, des animateurs du 8US, on va te retrouver... Ouais. Dimanche prochain, ouais, à partir de 20h. Ouais, il y aura le 8QS la semaine prochaine. Moi, je prends quelques jours de vacances. Oui, ah oui, donc, oui. Cassos for Life. Il y aura quelqu'un d'autre. D'accord. Ok, et ok. Il y aura la lourde responsabilité de te remplacer. De me remplacer. J'écouterai à distance. Attention. Et bah, bonnes vacances, Steph, en mode cul à l'air. Voilà, c'est parti. Ouais, c'est parti. Allez, bah, profitez bien en tout cas. On y va pour la spéciale de la radio Libre Beautiful. Merci, Steph. Merci à toi. La spéciale de Beautiful. 21h minuit sur Skyrock. Et c'est parti. Le week-end, on le termine tous ensemble. Ça a été encore un gros week-end de révision. Hein, le dernier pour pas mal d'entre vous avant le coup d'envoi des épreuves du bac. En tout cas, j'espère que tout va bien. Il y a de la pluie aussi aujourd'hui sur une grande partie de la France. Nous, on y va avec les meilleurs moments de la Radio Libre, la plus grande Radio Libre de France, tous les soirs sur Skyrock, 21h minuit, avec Difool et toute l'équipe. Les meilleurs moments, c'est le dimanche soir. Alors ce soir, au programme, bien évidemment, le double appel, le fameux double appel. Alors, je ne réponds jamais. Oh, puis je me dis, on ne sait jamais. C'est peut-être quand même quelqu'un qui m'appelle que je connais pas le numéro. Oui. Bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou, Jacqueline? Bah, je sais rien, moi. Cette histoire de fou, c'est des familles qui n'ont rien demandé à personne et qu'on a mis en contact les unes avec les autres. Double appel à pas louper, c'est dans moins de 20 minutes. On aura également l'inédit du dimanche soir, le super clash de la drague, les meilleurs clashs de Cédric mélangés au meilleur clash de Romano. Cédric, ce soir, qui va tenter de séduire le mec à Estelle. Sinon, je peux venir chez toi, je t'ai dit. Et puis, on fait une petite soirée entre nous. Il a bouché. Je sens que ce soir, t'as envie de me voir. J'ai ce qu'il faut, vas-y, tu peux venir. Je peux venir? Ouais, bah justement, plomb dans le cul, tu vois, t'as pas comprendre. Ah bah j'adore. Du plomb dans le cul pour Cédric et Romano lui va tenter de serrer. Jean-Michel. Bah voilà, mais tu peux essayer, mais nous on est en cours là. Hein. Ouais, bah donc là t'es en train de m'arrêter sur mon coït. ça m'emmerde un peu, tu comprends? Oui, mais bon, hein, le coït, je vais t'en donner un tout à l'heure. Du coït, c'est prévu pour le super clash de la drague. Dans le cours de l'émission également, on parlera argent, fantôme, shit, hémorroïde, polygamie, orgasme, hypnose, pyromanie et prostitution. Il y aura le récap du top bug de Romano, le réveil de star de Zinedine Zidane, peut-être des places également. Il y en a qui demandent s'il y aura des places à gagner pour Rihanna dans la soirée, la tournée Skyrock, peut-être. C'est dans la roulette, les places elles peuvent tourner à n'importe quel moment. Le foot, l'Ukraine contre l'Allemagne, on vous donnera le résultat bien évidemment, car nous sommes premiers sur le foot. Et cette spéciale, on l'attaque avec Cédric. Comment ça se passe un week-end pour Cédric le Belge? La réponse, c'est maintenant avec Difool, Romano, la Marie, Momo, Samy, Karim. Et Cédric le Belge est parti pour la spéciale de Difool. D'ailleurs, Cédric, est-ce que tu veux nous parler de tout ce que t'as fait ce week-end? Tiens, on va faire un petit jeu. Qu'a fait Cédric ce week-end? Si vous avez des idées, tiens, vendredi on joue soir sur le 41759 ou sur l'appli Skyrock. T'as sucé une queue. Alors, Romano propose, t'as sucé une queue. Non. Plusieurs non. queues. Non plus. En même temps. Non. Ça rentre dans ta bouche. Y a Zlatan the Best, il a été aux putes. Non plus. Vincent également qui a dit ça. Oui, bah. T'es pris un mur en voiture. Non. Il a fait de l'équitation et s'est fait enculer par le cheval. Ah, il y a Max Decan, il a quasiment trouvé. Alors, il y a Gaëtan, c'était l'équitation, enculé par un cheval. C'était juste en dessous. C'était Maïna. Merci Maïna. Il ne s'est pas fait enculer par un cheval. Il n'a pas fait de l'équitation, Gaëtan et Maïna. Désolé. Yask. Ah, il y en a plein qui ont trouvé, oui. Alors Cédric, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Explique à tout le monde. Alors, en fait, je suis à vendredi soir après l'émission, donc je suis sorti, je suis parti rejoindre des potes à moi. Ouais. Et en fait, ces cons, ils avaient dragué des meufs en se faisant passer pour des flics. C'est leur technique de drague. Ouais, en fait, il voulait draguer une meuf, la meuf elle s'est pas arrêtée, donc là il se fait passer pour un flic. Mmh. Il arrête la meuf, il prend son numéro de téléphone, il demande son permis pour vérifier le permis de la meuf. Mmh. Et la meuf, donc après elle se barre, moi je l'ai rejoint à ce moment-là. Donc après qu'ils aient dragué les meufs. Cédric qui arrive toujours au bon moment. Ah, non, j'arrive après, hein. Donc j'arrive après. Oui, mais c'est ça, au bon moment. Et ce qui se passe, c'est que les meufs elles ont flippé, donc elles sont parties voir, tu sais, des vrais keufs. Donc une voiture avec écrit police, et du coup on s'est fait contrôler par des mecs. Pas de chance. Qui étaient en 4x4. Et là, le mec, il dit des flics en 4x4. Ouais. Et en fait, il s'avère que les meufs, elles avaient le numéro du mec, donc elles lui ont donné rendez-vous. Nous, on y a été comme des cons. Et en fait, c'est la police qui nous attendait. Et là, boum, garde à vue. Et là, la vraie police. Et tu t'es, fait la vraie police, ouais. Tu t'es fait péter en garde à vue. Ouais, garde à vue, je suis resté. Est-ce que tu t'es fait péter le cul en garde à vue? Ah non, du tout, non. Parce que là, c'est la soirée magnifique. Mais si t'en fais, un doigt dans le cul. Ah, non. Là, c'est fini, ça, ils font plus ça. Ah, okay. Même plus à poil, ils demandent juste de. Ah bon. Oh, je suis déçu, je peux pas le faire quand même. Ils passent un détecteur de métaux, tu vois, genre pour vérifier si t'as rien sur toi. Et après. Plus à cambrer, à tousser. Après, non, même plus, c'est fini. Oh, je suis déçu, je peux quand même me mettre à poil et faites-moi toucher rectal, s'il vous plaît. Elle laisse tomber la garde à vue, j'étais dans une cellule, on était quatre dans la cellule, deux mecs qui avaient fait. T'es où dans Paris? dans le 8ème. Des mecs qui avaient volé du cuivre toute la nuit dans les, cuivre, dans les égouts. Ouais. Ah ouais, il devait puer, non? Donc ils puaient les égouts. Ah non! Imaginez Cédric plus ces deux mecs qui puent les égouts. L'horreur. Mais le pire, c'est quand même pour les keufs. Ouais, je comprends que les keufs fassent plus de toucher recto. Tu vois arriver Cédric, t'as pas envie de lui foutre dans le cul. Mais ils t'ont gardé toute la nuit? Bah, de 4h du matin, juste, enfin 3h30 jusqu'à 12h30. Pas cher l'hôtel. Les potes sont sortis à 17h. Franchement, sur les Champs-Élysées, royal. Ah, mais tu vois la garde à vue, gros, c'était pas Champs-Élysées. Non, mais royal, bah t'étais où sur les Champs-Élysées? Ouais, mais le commissariat, c'était dégueulasse. Bah, moi, je trouve que c'est le luxe. Ouais, le luxe. Le mec se fait pas chier. Ah, une nuit à l'hôtel de police des Champs-Élysées. Non, mais les filles, c'était cool, hein, les mecs de là-bas qui nous ont arrêtés, c'était en mode détente. Genre, ils nous faisaient au début le coup de. On vérifie la voiture, et en fait, les meufs, elles sont passées en voiture avec les flics. Hein, on dit, ouais, c'est bien eux. Hop, après, le mec, on dit, allez, vous allez nous suivre au commissariat. Voilà, embarqué. On va vous expliquer un truc. Non, c'est pas que c'était pour ça. Hein. Eh. C'est-à-dire qu'on a sympa, les potes galériens de Cédric, hein. Ah, mais laisse tomber. Tu les détestes, non? Non, il y en a juste un. Il a des bons potes, Cédric, nous dit Poto. La magnifique soirée de Cédric, hein, magnifique. Ah, laisse tomber la galère. Voilà. Et si t'as envie de chier en plein milieu de la nuit, comment tu fais? T'as dû avoir envie de chier, là. Ah, bah ouais, non, mais j'ai chié. Oh là là. J'ai chié, j'ai demandé à aux toilettes. Après, tu t'étonnes que ça. Et là, c'est quoi? C'est des toilettes individuelles ou tu chies devant le mec? Non, c'est individuel, c'est en dehors de la cellule. Ouais, il vaut mieux pour le mec, ouais. C'est le mec, le pauvre homme. T'imagines? Cédric, quelles sont les suites judiciaires? Ah, moi, j'ai rien, moi. T'as payé ou pas? Là, parce que les meufs, elles ont dit, ouais, lui, il était pas là, donc ils m'ont lâché. Oh, lui, il est trop vilain, il était pas là. Il peut pas nous draguer, lui, non? En fait, t'en as un des deux, il va passer en jugement parce qu'il avait une arme en plastique à la ceinture. Il avait un faux gun. Ah, parce qu'ils ont un équipement pour se faire passer pour des keufs, pour draguer les meufs. Non, il y en a qu'un des deux, hein. L'autre, il avait rien à voir. Hein. Le pote, rien du tout, hein. Non, il avait pas de carte, t'es fou, non. Oh, les mythos. Ah, parce que, fausse carte de police, brassard et tout, tu vas en prison direct. Mais hein. C'est quoi, genre, le pistolet, c'est quoi un pistolet à eau? Non, tu sais, les pistolets à billes, là. Les pistolets à billes, les vieux pistolets en plastique. Ah, mais c'est, t'as pas le droit, ça. Ah, non, c'est interdit. Bref, il est con. Mais lui, c'est pas ça, mec. Le mec, il s'est pris pour un cow-boy, quoi. Non, mais lui, je te jure, il est dans la merde, mais laisse tomber. Ah, bah, tu m'étonnes. Il nous a niqué notre vie, ce connard. Bon, bah, bon courage à tes potos, Cédric. C'est la spéciale du dimanche soir. Avec le meilleur de Default sur Skyrock. Théo, qui est avec nous en direct. Donc, toi, t'es. Assolé. Dans les Deux-Sèvres, à côté, à côté. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, Théo, dis-nous pourquoi tu nous appelles, toi. Et puis, dans un instant, les familles du double appel arrive, prépare-nous les premières familles de la soirée, c'est parti. Allô. Donc moi en fait je me suis arrêté le 2 février, alors j'étais en train de conduire pour la gendarmerie, et ils m'ont fait un test salivaire et en fait j'avais fumé la veille. Ah, on t'a fait un test salivaire, le test salivaire pour le chichon, c'est ça? Voilà. Mais c'est vrai que dans ton coin ça se fait vachement, dans l'ouest de la France. Moi hier je racontais là mon pote gros porc qui s'était fait choper là. On le salue d'ailleurs. Du côté de la Rochelle. C'est vrai que là-bas vous faites vachement contrôler, et ça fait déjà un moment que c'est en place. Hein. Vous êtes un peu une zone test. Et la preuve, ils ont même fait un test sur Théo. Ah ouais, mais là-bas, ça arrête pas. Hein. Mon pote, il me disait, mes potes qui habitent là-bas, c'est quasiment systématique. Ils se font arrêter contrôle d'alcool obligatoirement, quasiment à chaque fois. Ils ont le contrôle détection du shit. Et est-ce que t'as été positif, toi, Théo? Voilà, j'ai été positif. Oh, tu fumes beaucoup? Non, juste un petit joint le soir avant de me coucher, tranquille. Ouais, donc ça se fait chier de se faire choper le lendemain alors qu'il n'y a plus l'effet du joint et de faire choper voilà, positif. Puis la veille, on a eu un texte de 3-4 potes et on a fait une grosse soirée fumette. Il y a resté un petit peu peut-être dans le sang. Enfin, il y a resté un peu, ils ont trouvé. Ouais, il nous en restait un peu, exactement. Il y a un truc dont on parlait vendredi matin et qu'on en parlait même hier matin dans le morning, c'est les tests qui vont être organisés dans les bahuts, notamment en Île-de-France. Ils commencent par l'Île-de-France. Oui, j'ai entendu parler dans les lycées. Et ouais, ils vont organiser ça dans les lycées. D'ailleurs, si vous êtes lycéen, collégien en Île-de-France et que vous fumez de temps à autre, tiens, dites-nous si ça vous fait. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça vous fait stresser? Est-ce que vous en avez rien à foutre parce que vous fumez pas ou... Non, mais attends, moi j'étais pas au courant. Moi, je m'en fous, obligatoire. Ça va être obligatoire. Bah, c'est selon le directeur. Si le directeur il décide de faire un test sur tous les élèves, il y aura un test pour tous les élèves. Ah ouais. On va le faire d'ailleurs avant l'émission. On va faire un alcotest pour Marie. Ouais, ah bah, ça pas présente souvent. Une bière. Hein, puis t'es quitté le co-test, Marie. Ah, tu peux y aller. Non, mais moi, comme je disais l'autre matin, franchement, je suis une pute à dire ça, mais je préfère que ce soit dans les bahuts que sur la route, moi. Parce que t'es plus dans les bahuts. Mais Romano, transpose-toi. Évidemment. Retourne au bahut. Ah, ben dans ce cas-là, ça me dérangerait pas que ce soit les conducteurs qui soient contrôlés à l'époque. Non, mais bon, chacun se met dans la position. Mais là, à l'heure actuelle, je préfère que ce soit dans les bahuts, perso. Comme on dit, chacun sa mère. Ah non, mais c'est clair. Non, mais à choisir, tu vois, je préfère qu'ils contrôlent dans les bahuts que moi sur la route, quoi. Oui, ça, évidemment. Mais sachant que je ne fume pas, de toute façon. Ouais. Donc ça arrive dans les lycées en région parisienne. Tenez-vous au courant d'ailleurs, c'est parce que c'est le conseil régional d'Île-de-France qui a décidé ça. Dites-nous s'ils ont déjà fait ça dans vos bahuts, s'il y a déjà eu des tests. Mais ça va coûter une blinde. Des tests de chichon. Oui, super cher. Moi, je pense que au lieu de mettre l'argent là-dedans, il ferait mieux de le mettre dans autre chose. Ouais, il ferait mieux de me le donner, tiens. Parce que le mec qui fume, il le sait. Bah oui, non, mais ça, ça sert à rien de lui faire un test. Certain. Parce que par exemple, si t'as 18 ans, Théo, après on va revenir à ton souci, mais si t'as 18 ans, que t'es au BAHU, que t'es au lycée, tu vas passer ton bac, donc t'es majeur, s'ils te font faire le test et qu'ils découvrent que tu as fumé, eh bien, ils t'envoient une lettre pour te dire que t'as fumé. Eh ben, c'est super. Et ça, quand même, ils sont super parce qu'ils t'informent du fait que ouais, tu as fumé toi-même. En dépensant énormément d'argent. Ah, chichon. Et avant 18 ans, ils informent les parents. Ça, c'est moins drôle. Mais ouais, ouais, c'est sûr. Mais enfin, ce à mon avis, ils le font plus pour ce cas-là, tu vois. Pour ceux qui sont moins de 18 ans. Ce qui est con dans ce test, c'est que ouais, tu peux fumer un joint, par exemple, pendant le week-end, et puis le jeudi, on fait le test. Ouais, enfin, c'est complètement donc, con. Non, mais ils considèrent, si c'est interdit, que ce soit le week-end ou la semaine. Ça, c'est illégal, Marie. Non, mais, de toute façon, même si, admettons, t'as fumé la veille, eux, t'en as encore dans le sang. Ouais. Même t'as plus d'effet, t'es plus défoncé, t'en as encore dans le corps. Ah oui, apparemment. Et à partir de là, c'est illégal, donc. Tiens, on nous dit qu'il faut manger de l'ail. Il y a plusieurs qui ont laissé des messages. Manger de l'ail juste avant le test, et logiquement. Je suis pas sûr que ça marche. Bon, tu pues de la gueule, tu serreras pas une meuf. Dans le bahut, ça peut puer l'ail. Ou tu serreras pas un mec, mais tu serreras absolument personne, ça puera l'ail dans le bahut. Mais au moins, vous serez tous négatifs. Il y en a plusieurs qui nous ont dit le truc de la gousse d'ail. Je sais pas si ça marche, moi, ça. Moi, je m'en fous, ça va tranquille, je fume pas, nous dit l'Albanais, là, sur le 41759. Mais ça, je pense que c'est, les mythes à la con, comme à l'époque, avec les alcootests, où soi-disant, tu mangeais des cafés, non? Ouais, des trucs à la menthe. Ouais, exactement, des bonbons à la menthe, soi-disant, ça faisait, passer le test en négatif. Ouais, bon. Alors, ils en ont vendu un paquet des bonbons à la menthe, c'est Ricola qui avait lancé la pub. Non, mais ouais, en fait, ça, c'est un truc, ça ne marche absolument pas. Ah, non. Bon, alors, Théo, revenons à toi, parce que c'est quand même toi qui as un souci dans l'histoire. Libérez la weed, nous dit Alan Ducaran. Libérez la weed. Hashtag libérez la weed. Allez, on lance le hashtag ce soir. Libérez la weed. Très bonne idée. Merci pour ton message. C'est qui nous l'a envoyé? J'ai déjà oublié, tiens. Je t'ai cité, je sais même plus si je t'ai cité. Ah, Alan Ducaran. Ouais, je t'avais cité en plus. Libérez la weed. Hashtag. Allez, on fait péter. Moi, je connais un joueur de foot qui joue au PSG. Il joue plus maintenant. Et il fumait de la beuh. Oui. Et il m'a dit que ça restait 2 semaines dans le sang parce qu'il a déjà eu des tests, lui, tu sais, pour les sportifs. Bah oui, ils en ont et ça reste 2 semaines apparemment. 2 semaines. Parce que c'est considéré comme du doping. Ouais. Imaginez une équipe sous Winge par exemple. Il y a Bernard Lama à l'époque qui s'était fait choper. PSG, il fumait de la beuh, gros. Mais avant le match. Avant les matchs. Ouais, il était positif, quoi. Ah ouais. Salut Bernard Lama. Bon, Théo, donc explique-nous. Tu t'es fait choper, t'as été positif, t'étais au volant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils t'ont pris ta voiture? Du coup, ils ont. Ma voiture est restée sur place, ils m'ont emmené à l'hôpital, du coup, j'ai eu une prise de sang, donc ça s'est révélé positif aussi. Oui. Et du coup, ils m'ont fait une suspension de permis pendant 6 mois. Ah ouais, quand même. Et, ouais, 6 mois. Et du coup, après, vu que j'ai pas le permis, j'ai continué un peu à fumer le soir. Et j'ai arrêté là il y a 3 semaines et j'ai reçu une lettre comme quoi je devais faire un test urinaire pour savoir si j'avais continué à fumer ou pas. Et c'est quand ça? Et je dois le faire cette semaine, mais normalement je peux repousser le rendez-vous. Donc je vais essayer de repousser au maximum. Donc t'as pas fumé depuis 3 semaines? Voilà, c'est 3, depuis le 4 mai. Test urinaire, c'est bon. Enfin, t'as presque, parce qu'on a déjà parlé dans l'émission de ce genre de truc, mais logiquement, le test urinaire, c'est bon. Ouais, alors après, faut pas que tu sors d'une pièce où tout le monde fume parce que tu t'inhales le truc, hein. Fais gaffe. Ah non, là, j'ai personne fume à côté de moi, je leur avais dit, faites pas les cons. Débouillez chez moi, on fume pas, quoi. Ouais, au moins pas dans, oui. Au moins jusqu'à temps que tu récupères ton truc, ouais. Tu te couvres. Ouais, voilà, exactement. Donc toi, tu voulais savoir si 3 semaines d'abstinence, tu pouvais pisser dans une bouteille, faire analyser le truc et ne pas trouver de cheat dedans. Voilà, exactement. C'est ça que je voulais savoir. Il y en a plein qui sont révoltés par rapport au test. C'est une entrave à ma liberté, nous dit Moine sur SMS. Il y a Zouzoul qui nous dit, ça fait chier ces tests pourris. Je suis d'accord avec Romano. Voilà, très bien, tu vois. Ah oui, non, mais moi je suis pas au bahut, donc faites-vous contrôler, moi ça me fera... J'ai un plaisir. Très belle chance. Albatar. Non, mais moi, je t'ai dit. Crapu, toi. Et après, il y a des méthodes. Mâcher une cigarette avant de faire un alcotest. Je suis sûr que ça mâche pas, mais enfin, tenter le coup, on sait jamais. Hein. Mâcher une cigarette. C'est Malboro qui a lancé cette info. Ouais, c'est ça. C'est l'info Malboro, Philippe Maurice. Une camel, ouais. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Boire du lait et de l'eau à fond pour évacuer un maximum. Du lait, ouais. Je bois beaucoup d'eau en ce moment. Ah, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de messages qui nous disent boire du lait, boire de l'eau. Là, c'est Daco. On va un pote faire le test. Daco du 5-4 qui nous laisse un message. Voilà un pote qui prend de la coke par exemple. Ah, tu l'auras fait le petit test urinaire. Non, mais ça fait 3 semaines que t'as arrêté de fumer, logiquement ça devrait rouler. Hein. Normalement, ouais, ça devrait être bon. Ouais. Il faut espérer. Ouais, Inch'Allah. Faut espérer. Ouais, renseigne-toi bien quand même avant, parce que si t'es à nouveau positif, je veux dire, ton permis, t'es pas prêt de le récupérer. Hein. Non, puis le gendarme qui m'a arrêté m'a dit si t'es nouveau positif, là c'est tribunal, casier judiciaire et tout. Ah non, mais derrière, tu vas avoir un truc, ce qu'ils appellent les injonctions thérapeutiques. C'est-à-dire que tu vas aller voir un psy. Tu vas lui parler de tes problèmes. Ouais, non, mais c'est ça, mais t'es un psy. Je dois déjà le faire. J'ai le test urinaire plus je dois aller voir un psy. Ah ouais, c'est ça, ouais. Pour, je peux trop faire quoi, mais ça, le psy, je m'en fous. Non, mais fais gaffe, parce que tu sais que les psys ont le droit de te faire des tests régulièrement. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais, je sais pas. Ah, nouvelle. Ah bah merde alors. Alors après ça dépend. Moi je connais quelqu'un à qui c'est arrivé. Bon, c'était un autre cas, c'était pas au volant. En fait, il se trouve que la personne avait été mêlée de loin à une affaire de drogue. En fait, en gros, dans son téléphone, il y avait le numéro d'un dealer. Et en fait, le dealer, il s'est fait péter. Et du coup, la police, ils ont appelé toutes les personnes qui étaient dans le répertoire. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait des tests. Bon, c'était positif. Derrière, injonction thérapeutique. Et le psy, il est en droit de te faire régulièrement un test de cannabis pour voir si t'as arrêté ou pas, quoi. Ah ouais. Ouais, ouais. Oh, putain. Et après, si, après, moi, je sais que la personne à qui c'est arrivé, tu sais, le psy, il était plutôt cool. Il l'a jamais fait. Ouais, il l'a jamais fait parce que lui, en fait, comme il expliquait, lui, ce qui l'intéressait plus, c'était les cas plus graves, genre les drogues dures, les trucs comme ça. Il disait ouais, cannabis. En gros, il s'en foutait. Ouais. Mais après, bon, tu peux tomber sur un psy qui. Non, mais le psy, il a pas le secret médical. Il a pas le droit de donner aux flics les résultats, non. Non, mais en fait, les flics t'envoient chez eux. C'est une injonction thérapeutique. Ouais. C'est un truc. Genre le flic, il est obligé de le psy. C'est un truc juridique. Hein. Ah ouais. Lui, après, il demande un rapport. Si ouais. Le psy dit, il continue de fumer, ton permis, tu l'as dans l'oignon. Dans le cul. Dans le cul, Lulu. Comme on dit. Et voilà. Tiens, un collègue a bouffé du charbon et plein de trucs. C'est passé crème alors qu'il avait 20 douilles par jour. Du charbon, c'est sympa. Il avait la gueule noire. Bon, le problème, c'est qu'entre temps, il est décédé à cause de tout ce qu'il a. Mais le test a été négatif. Il a fumé une club, il a eu des braises, tu sais. Il y a le chauve du 73. Moi, j'ai fumé deux jours avant le test d'urine. J'ai bu 4 litres de lait et j'étais négatif. Hein? Donc ça veut dire. Ouais, c'est chelou ça. Ouais, ça veut dire. Alors moi j'ai. Trois semaines, bon. Ça j'ai été aller, voir hein. Sur internet. Ça dépend vachement de la quantité de cannabis que t'as. Ah, tu mets dedans, que t'as fumé les derniers temps. C'est-à-dire qu'une personne qui va fumer un joint, je pense que ça va s'évacuer plus vite que quelqu'un qui s'en met 20 par jour dans la gueule. Ça dépend comment tu décharges aussi, tu vois. C'est vrai. Aussi. Mais, moi en fait j'ai fait une. J'avais fait une pause, moi, parce que du coup, en fait, après me faire sucrer mon permis, j'ai continué à fumer un joint par soir. Et après, je suis parti en voyage au Canada, donc pendant deux semaines, j'ai pas fumé. Ah oui, donc ça t'a permis et de faire un sevrage. Je suis revenu du Canada, et peut-être pendant deux semaines, ouais, du coup, j'ai fumé un joint par soir. Mmh. Et plus une grosse soirée fumée, et après, j'ai complètement arrêté. Ah, bon, là, t'as arrêté, donc, depuis trois semaines. Donc, depuis trois semaines, j'ai pensé, ça devrait aller, bois plein d'eau, lave-toi le corps, fais du sport, on nous dit. Fais du sport, ça aide à éliminer quand on transpire. On élimine toutes les toxines. Et dans les toxines, il y a du cannabis. Ouais, mais là, c'est dans le sang, c'est pas dans non, mais tu sais, moi, merci à Laure 76 sur SMS. Sinon, il y a une possibilité. Moi, j'avais fait ça pour l'alcool, parce qu'en fait, bon, j'avais eu une galère avec mon permis. Bon, j'avais eu un accident en Italie. Bon, il a fallu que je fasse des tests en France. Et en fait, pour être sûr, tu sais, ils regardent si t'es pas alcoolique en gros quoi. C'est et moi aussi, c'est pas la peine de regarder. Je vous confirme. Moi je ne conduis pas. Et en fait, j'ai recherché un truc qui s'appelle les gamma GT. En gros, ça détermine si t'es alcoolique ou pas quoi. Et moi, ce que j'avais fait, j'avais payé, mais ça m'avait fait un peu chier. Mais j'avais été dans un labo privé 2-3 jours avant de faire le truc officiel pour être sûr que j'étais en dessous. C'est pas con, ouais. Au moins, je savais que voilà, entre temps, j'allais pas picoler et j'y suis allé 3 jours après. Je connaissais déjà les résultats parce que je l'avais fait 3 jours avant. Ouais, j'avais été bon. Au moins, il y a cette possibilité là que tu peux faire. Tu vas dans un labo privé. Tu demandes un test cannabis, bon, que tu paieras de ta poche, mais ça peut t'aider. Au moins, t'as un résultat, quoi. Au moins, tu sais, tu sauras si tu peux y aller ou pas au truc. Ouais, et on nous dit, attention, le bédo, c'est comme l'alcool au volant, c'est pas bon, faut pas déconner. Tu as entièrement raison, c'est GG de Brest qui nous dit ça. Bien sûr. Et sinon, une petite idée, tiens, une petite idée de l'inconnu, si t'as pas mis ton pseudo. Tu peux te scotcher une fiole autour d'un collier avec du pipi dedans. Ça passe nickel. Tu mets juste le pipi de quelqu'un d'autre à l'intérieur. Ouais, enfin, il faut qu'il soit chaud, quoi, parce que si. Ouais, ouais. J'ai lu sur internet pareil. Il disait qu'il fallait qu'il soit chaud, s'il faisait un test pour savoir. Mais ah, c'est au micro-ondes. Ouais. Chaud, mais avant d'y aller, tu te mets aussi un micro-ondes autour d'un collier. C'est pratique. Non, mais s'il est autour du collier, peut-être que en étant en contact avec ton corps sous tes vêtements, peut-être qu'il sera chaud. Mais attends, ouais, mais comment il vérifie qu'il est chaud, enfin, tu vois. Il le boit. Ah, non, mais ils le prennent dans la main. Il y a des goûteurs dans les tests d'urine. C'est quand ils font le test, il doit avoir un certain degré de température, tu vois. Mais c'est quoi, ils mettent là ils analysent complètement ou c'est juste une languette qui trempe dans la pisse hein. Tu sais pas ça Théo? Ça je sais pas du tout, je crois que c'est dans un flacon, c'est pas un truc comme ça. Ouais, mais est-ce que derrière ils l'analysent complètement ou alors c'est juste ils mettent une languette et regardent les experts? Ouais voilà. Je sais pas du tout. Je sais que pour l'alcool, ils font comme ça. Tu sais, il y a un premier test qu'ils font, c'est quand il va, ils te mettent une languette dans le bordel. À mon avis, c'est une languette. Ça serait trop cher. Ah, moi, c'est ça, ouais. Mais derrière, t'as appris de le faire à la chaîne, tu vois, les tests. Ouais, et si tu prends la piste de quelqu'un d'autre, fais gaffe, parce que j'ai un pote à moi, ça lui est arrivé, il a pris la piste de sa meuf, ils lui ont dit, bah, félicitations, vous êtes enceinte. Ouais, ouais. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. La spéciale de Difool qui se poursuit avec l'arrivée de Pénélope. Pénélope, ça fait un an qu'elle est avec son mec. Elle a découvert que son mec a une double vie, le double appel. Également, on se fait ça juste après la nouvelle de Sopra. Soprano avec le diable ne s'habille plus en Prada. C'est maintenant sur Skyrock. Après t'avoir offert plus de 200 places pour l'Euro 2016, Skyrock et le Crédit Agricole remettent ça dans le morning de Difool sur Skyrock. Et tous les matins dans le morning, gagnez vos places pour les 8e, les quarts, les demi et la finale de l'Euro. Skyrock! Rendez-vous

dépasser son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes font pire que Lucifer. Oui, l'élève. Le diable ne s'habille plus en Prada, le tout nouveau Soprano, il vous l'a présenté en exclu lundi dernier, Fedi Foul en direct dans la radio Libre Sopra, qui va faire un concert en 2017, un concert Skyrock au Stade Vélodrome, puisqu'on parle de foot, il y a 1-0 pour l'Allemagne contre l'Ukraine demain matin. Soyez bien à l'écoute du morning de Difool entre 6h et 9h. Difool vous offre les huitièmes, les quarts, les demi et la finale de l'Euro. Tout ça à gagner sur Skyrock. La spéciale de Difool qui continue, l'arrivée de Pénélope qui a découvert que son mec a une double vie, c'est juste après le double appel. Allô. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Ah ben, c'est vous qui avez qu'à appeler. Le double appel de Difool sur Skyrock. Bon, ouais. Les familles qu'on va mettre en contact ce soir, vas-y Samy, fais-nous péter. Envoie la sauce. Et qui Pascal et chez Eric. Pascal et Eric. Ouais. C'est parti chez Pascal et Eric. Magique le double appel, nous dit Mousse. Allô. Allô. Allô. Allô, oui. Oui. Allô. Vous êtes qui là? Vous êtes qui là? Allô? Absolument, ouais. Allô, j'ai des choses bizarres sur ma ligne, monsieur. Faudra arrêter de nous appeler, s'il vous plaît. Patrick. Moi, je vais répondre. J'entends un Patrick au téléphone et une dame aussi derrière. Absolument, oui. Faudra arrêter de s'amuser parce que nous, on a autre chose à faire. Ma femme est enceinte. Fais la femme enceinte. Ah, je suis enceinte. Ah merde, t'es trop tard. Ah merde, t'as fait la femme enceinte. Merde, trop tard, Romano. Désolé. Putain, bon. J'étais totalement dans le rôle. Oui, tu fais très bien la femme enceinte. Ah, je suis enceinte. Alors, qui c'est qu'on appelle? Chez Françoise et Jacqueline. Oh, bah dis donc. C'est des prénoms stylés, là. Ah, ouais, là, franchement, le top, Jacqueline. Le top niveau. Allô? Jean-Yves, après. Ah. Allô? Oui? Allô? Oui? Oui. C'est qui? Bah, vous qui vous êtes? Bah, écoutez, moi, ça a sonné chez moi. Bah, moi aussi, moi, je suis à Ouville. Chut, chut, chut. C'est où? Je suis à Ouville aussi. C'est ça, Bah écoutez, j'en sais rien. Vous êtes qui, vous? Bah, vous qui vous êtes? Moi, je suis madame. Jean-Pierre. Ah, Jean-Pierre! Oui. Eh ben, moi, je suis Françoise. Oh. Ah bon? Bah, mais qu'est-ce que je passe, Jacqueline? Mais je ne sais pas, ça vient de sonner, alors moi, je vais décrocher. Eh ben, moi, pareil. Et en plus, c'était une identité masquée, moi. Alors, je ne réponds jamais. Oh, puis je me dis, on ne sait jamais. C'est peut-être quand même quelqu'un qui m'appelle que je connais pas le numéro. Oui. Bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou, Jacqueline? Bah, je ne sais rien, moi. Bon, enfin, c'est pas grave. Oui. Ça va, sinon? On se sera dit bonjour. Mais bien sûr, sans vous, sans y penser, tiens. Et puis, dans ces cas-là, moi, je réponds, je suis jamais trop aimable, parce qu'on est tellement assaillis par tous les coups de téléphone que c'est non masqué. Oui. Je décroche, mais en n'étant pas aimable du tout. Eh ben, moi, c'est pareil, mais... Moi, c'est pareil, et puis je me fais rouspéter, parce que des fois, il me dit, tu prends les gens pour des chiens. Ben, attendez, il faut que ça... Faut pas exagérer, on est tellement persécutés. Oui. Oui, c'est vrai, ça va. Oui, eh ben écoutez, parce que finalement, nous c'est 54. Ou combien que c'est? Mais nous c'est 0,324. 25, c'est pas du tout. Oh ben c'est pas du tout pareil. Ben oui. Oh ben non, il n'y a aucun rapport. Parce qu'il y a des fois, ça aurait encore pu être que la personne s'était trompée, hein. Oui, oui, oui. Non, oui, bah, mais écoutez, Jacqueline, c'est pas grave. De toute façon, ça aurait pas répondu, ça aurait pas sonné chez vous puis chez moi en même temps. Bah écoutez. Hein? C'est quand même drôle. C'est bizarre. On verra tout. Ah oui, ça c'est un truc, ça m'est encore jamais arrivé, ça. Non, mais moi non plus, c'est la première fois. Et ouais. Moi, j'étais au WC, vous voyez bien, j'étais en train de nettoyer. Bah, il me semble que c'est le téléphone, le temps que j'arrive, mais une fraction de seconde que je décroche, quoi.

je la connais. Ouais, je la connais. Quand je la connais. Laisse tomber ta robe par terre. T'es nu, je reconnais mes torts. J'en déduis que t'es pas né d'hier. Je m'en parle en plus, c'est vrai qu'on manque de temps. C'est nous deux, c'est l'heure, nous deux, dans la pièce principale ou dans la salle de bain. Franchement, j'en ai rien à foutre. Je vois tes formes, tu tiens les rênes et t'aimes serré fort. Pas brasser l'air. Achetons une grande ville à son TVA. Je la connais. Non, je la connais. Ouais, je la connais. Car je la connais. Non. Je la connais, DCH, le Marseillais sur Skyrock. D'ailleurs, un grand merci à vous tous. On est déjà à plus de 150 000 vues pour la balade en Ferrari. DCH avec Cédric et Romano. Allez faire un petit tour sur le net. Elle se trouve un petit peu partout. La vidéo DCH et Romano. Et on va essayer de taper le million. Hein, pourquoi pas sur cette vidéo sur la balade en Ferrari sur les Champs-Élysées. Cédric et Romano, vous les retrouvez maintenant, inédit maintenant sur Skyrock dans la spéciale de Difool. C'est le super clash de la drague. Vous allez pouvoir voter par SMS, par message avec le hashtag la spéciale de Difool qui va vous faire le plus marrer. Qui est le meilleur séducteur? On a mélangé les meilleurs clashs de Cédric contre les meilleurs clashs de Romano. C'est le super clash et c'est maintenant. Attention, attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Oui, allô? Oui, comment Patrice? Oui, c'est qui? Comment ça va, Patrice? C'est qui? C'est Jean-Louis à l'appareil. Comment vas-tu? Jean-Louis qui? Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo? Ouais, comment ça va? Ah, c'est Michel Saint-Etienne, ça? Ben oui, c'est comment... Alors, comment tu vas? Ça, non, c'est qui, l'appareil, exactement, là? Ben, c'est Jean-Louis, là, Jean-Louis, l'appareil. Bon, dis donc, je voulais passer te voir ce soir, là. Non, non, c'est impossible. Ah, ben si, attends, moi, ta femme, elle m'a dit que je pouvais venir. Mais qui êtes-vous? Mais moi, je te dis, je m'appelle Jean-Louis, là. Mais moi, je te connais pas, excuse-moi, mais je raccroche. Ah non, mais raccroche pas, comme ça, on va faire connaissance, un peu. Non, j'ai pas envie de faire connaissance avec toi. Ah, attends, ouais, ce soir j'ai mis un manteau de fourrure et je suis nu en dessous. Ouais, mais je c'est bien, tu gardes ton manteau de fourrure avec toi et tu le mets dans le cul, d'accord? Bah, tu veux pas me le mettre toi? Allez, ciao. Allez, mets-le-moi à toi. Ah, malheureusement, le manteau de fourrure, tu vas te le mettre tout seul, Romano. Mais bon, un manteau de fourrure dans le cul. Putain, c'est gros quand même. Tu crois que c'est gros? Puis après, il va être tout sale. Qui, le manteau de fourrure? Ah, bah ça, y a le caca, il va coller au poil. Bonne chance, Cédric. Allô? Allô? Ah, Eric. Oui. Bonsoir, comment vas-tu? C'est qui l'appareil? C'est Michel, je me présente, je suis organisateur de soirée. Et demain on organise une petite soirée à thème. La soirée, la sexy soirée. Donc je voulais savoir si ta femme elle voulait pas venir. On cherche des femmes pour la sexy party. T'es qui toi? Bah, je t'ai dit, je m'appelle Michel, j'organise des soirées. Tu veux une branlée ou quoi? Bah, je suis juste à côté de. Bah, là, je suis pas loin de chez toi, là. Je peux être là dans deux minutes, à la limite. Ça te dirait que je passe vous voir? Eh, t'es qui, toi, espèce d'enculé? Bah, je suis Michel, j'organise des soirées. Demain, je fais une petite soirée à la maison. Va te faire foutre. Et je veux que ta femme, elle passe à la maison. Eh. Et c'est possible qu'elle passe ou pas? Comme ça, on pourrait se la foutre tous ensemble. T'as l'air d'avoir une grande gueule. T'as une grande gueule? Bah, viens. Bah, écoute, je t'attends. Ouais, bah, écoute, pas de galère, mon pote. Je suis juste à côté. Je vais venir avec mes disques et tout machin, hein, et puis je vais passer te voir à la maison. Ouais, y'a pas de soucis. Quand tu veux, mon pote. Je vais te mettre un peu d'ambiance dans la baraque, moi. Ouais, y'a pas de soucis. Ouais, pas de soucis, mon pote. Bah, prépare-toi. Est-ce que tu aimes faire l'amour? Ouais, ouais. Parce que moi, ce soir, j'ai envie de faire l'amour. Ouais, ouais, y'a pas de soucis. Bon, bah, dis à ta femme qu'elle se prépare, j'arrive. Ouais, attends, je vais te crever, espèce d'enculé. Bah, j'espère que tu vas me crever les fesses, ouais, vas-y. J'espère que ça va être violent, d'accord? Ouais, ouais, y'a pas de soucis. Bon, bah, prépare tes petites fesses, j'arrive dans 5 minutes, mon copain. Ouais, d'accord. Allez, Eric, je t'embrasse, à tout de suite. Bon, il y a une invitation. Ah, il y a quand même une invitation. Ouais, c'est comme ça, c'est ah, oui, quand même. Voilà. Ouais. À se faire buter. Allez, vas-y, Cédric, c'est parti, ligne numéro 8. Vas-y, on va chez qui, ma gueule? Chez Estelle. Estelle, pour Estelle. Toi, Cédric. Ligne numéro 8 est Estelle. Je vais confirmer là, vous allez voir. Tu fais confirmation là? Double serrage. La sexy partie, donc. La soirée c'est à ça. Thème. Moi, ouais. Je fais un plan à 3 déjà. C'est annoncé. Bah, moi aussi un peu. Allô, Estelle? Oui. Ah, comment vas-tu? Qui c'est? C'est, bah, c'est Michel au téléphone, tu vas bien? Michel. Oui, on se connaît pas encore. En fait, je t'explique, j'organise des soirées à thème, là, le week-end. Et soir, bah, tiens, je vais te proposer à toi une petite soirée pour demain. On organise demain, c'est la soirée sexy. La sexy party. Oh non, mais ça m'intéresse pas. Hein, bah, si, faut venir, tu sais, faut venir vêtu de petites lingeries, voilà. Puis. On fait une petite soirée, quoi, sympa. Non, ça m'intéresse pas du tout. Tu veux pas venir en string à la soirée? Non, non. Ton mari, merci. Il est pas là, sinon? Tu peux lui proposer, lui aussi. Si, il y a du monde, oui. Bah, dis-lui de venir en string, à la limite. Non, mais ça m'intéresse pas. Je sens que le coquin a envie de venir à ma soirée. Non. Ou merci, sinon, je peux passer ce soir. Non. Comme ça, je te présente un petit peu les soirées. Non. Et si ça se passe bien, on finit la nuit ensemble. Non. Bon, allez. Non. Estelle. Ah oui, allô. De la part de qui, là? C'est qui, votre nom, c'est quoi? Bah, c'est Michel. Michel comment? Bah c'est Michel, j'organise des soirées, ouais. Là, justement j'expliquais à ta femme là. Ouais. Demain c'est la soirée sexy party. Ouais, t'as connu aussi, ouais. Non, ouais. Bah je voulais savoir si elle voulait pas venir, tu sais, avec une petite tenue sexy quoi, tu vois. Ouais. Maman, ta gueule aussi, c'est carrément. Non mais je t'explique, je suis juste à côté de chez toi. Ouais, ok. À la limite, ce que je pourrais faire, c'est venir vous voir directement à la maison, comme ça je vous montre des photos des soirées. T'as connu aussi, non? Bah non, écoute, moi c'est. T'as pas autre chose à faire? Bah j'organise ma soirée, écoute. Ah. T'as pas besoin de faire ta soirée, hein? Tu cherches le monde, non? Sinon, je peux venir chez toi, je t'ai dit. Et puis, on fait une petite soirée entre nous. Il est à bout. Je sens que ce soir, t'as envie de me voir. J'ai ce qu'il faut, vas-y, tu peux venir. Je peux venir? Ouais, bah, justement. Je vais prendre un plomb au cul, tu vois, t'as pas comprendre. J'adore. Hein? J'adore. Et après, je pourrais te faire l'amour, moi aussi? Ouais, bah vas-y, continue. Ok, bah j'arrive. On a pas mal, hein, ça y est? Bah, dis à Estelle qu'elle se prépare aussi, dans le pire des cas, je finirai avec elle, hein. Oui, c'est ça, allez, va. Bon, bah j'arrive, à tout de suite, mon chéri. Va chercher quelqu'un d'autre, hein. C'est bon. Ah, bah j'arrive là dans 5 minutes, hein. Oui, allez, va. Promis, je suis là. Dégage. Quand c'est couilles, dégage. Ah, bah je vais te casser, là. Dommage. Les couilles, non, mais autre chose. Dommage, on était à la limite du serrage. Ça, c'est con, ça. Ah, t'es content. Ah, ça, c'est terminé par deux dégages. Un dernier, t'as quelqu'un, Samy? Ouais. Allô? C'est qui? Jean-Michel. Oui. Oui, comment vas-tu? Oui, à qui ai-je l'honneur? C'est Jean-Louis, à l'appareil. Jean-Louis, là, je suis danseur, là. Et j'aimerais venir danser pour toi ce soir. Allô? Pardon, oui, attendez. Ouais, tu m'entends bien? Oui. Oui, donc je te disais, je suis danseur. Oui. Oui, et ce soir j'aimerais venir danser, j'entends ta femme derrière, j'aimerais venir danser pour vous deux. Bon? Oui, je peux passer? Non, je pense pas. Non. Ah bah si, parce que c'est une danse un peu spéciale, je danse nu. Écoutez, on est surmoqué. On est en Varésie, Port-Jartel, etc. On est en pleine ablution, monsieur, vous. Alors là, non, ça va pas le faire. Je vais venir participer quand même, on va faire une orgie ce soir. Allez, une petite partouze. Non. Un petit plan à trois, sympa, avec ta femme, là. Non. Ou alors que tous les deux. Non, j'ai l'impression que vous êtes monté petit, monsieur. Oui, ça, c'est vrai. Non, mais par contre, j'ai un bon anus. Pardon? J'ai un bon anus. Ouais. Voilà, il y a de la place dedans, hein. Ouais. J'aimerais venir te le montrer quand même. Non, je suis pas. T'es pas emballé là. Moi, ce que je te propose, c'est que je vais venir quand même. Dans 5 minutes, je vais me présenter à ta porte. Tu vas pas m'essayer. Essaye. Et je danserai derrière la porte. Je pense que tu vas me l'ouvrir à ce moment-là. Je sais pas, mets un gilet quand même, hein. Ouais, je vais venir. Ouais, je vais quand même pas la bite qui va gercer. Non, mais mets un gilet quand même. Oui, je vais venir mettre un gilet et je mettrai des bas pour t'exciter.

je peux pas le faire à sa place. L'amour se transforme en guerre. Et tout s'arrête quand elle déclare sa flamme. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle peut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant je bague. Mais c'était pas la white widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. C'est lui quoi. Le réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je trahis pas mes peurs. Jamais de la vie. Mais je trahissais. C'est lui quoi. Le réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous. Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Toi-même tu sais comment c'est. Quand. Le diable me remet dans le mal. Fait que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white weed. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant je bats. Mais c'était pas la white weed. J'ai fait du mal à ma petite. Skyrock premier sur le rap. Escrew avec Nekfeu. J'aurais pas dû sur Skyrock. Nekfeu et Escrew dès demain dans Planète Rap chez Fred. Entre 20h et 21h, l'album s'appelle Destin Lié. Viennent vous le présenter en exclu sur Skyrock. À pas louper. Donc demain soir chez Fredo, entre 20h et 21h, la spéciale Les moments les plus dingues de la radio libre de Difool. Ça se poursuit avec l'arrivée de Pamela et Patrick le pervers. Justine qui vomit quand elle jouit. Et puis un petit peu d'hypnose maintenant avec Mounir. Mounir, l'hypnotiseur lillois que vous retrouvez avec Difool Romano, Lamari, Samy, Karim et Cédric le Belge. Il est où Mounir? À Lille, Mounir le Lillois, salut Mounir. Je suis là, salut tout le monde, comment allez-vous? Ça va bien salut Mounir. Mounir. Ouais, Mounir. Alors Mounir, ouais, tu tranquille. Appelles pour un truc dont on a parlé hier soir parce qu'on s'est foutu de l'émission de l'hypnose de TF1 de samedi soir parce que c'était tellement ridicule qu'on n'a pas pu s'en empêcher. Hein. Et donc toi tu appelles parce que tu es, vas-y, Je suis hypnotiseur depuis 3 ans actuellement. Oh. Ah ben voilà, ça y est, je suis hypnotisé. Ah bah, ah bah ouais, genre. Oui, je suis... par ma belle voix. Oui, oula. Oula. Bon, Mounir, 19 ans et à Lille, fait donc depuis l'âge de 16 oui, ans, voilà. Tu hypnotises des gens. Voilà, je suis tous les jours à l'Opéra de Lille devant, pour ceux qui savent et tout. Ah, alors. Tu fais des spectacles et tout? Non, je fais même pas des spectacles, dans c'est des choses de rue. Ah, ouais, d'accord. Voilà. Il y en a plein dans la rue. Dans les gens, bah, sont mais t'arrives à hypnotiser une poule? Eh bien, tu vas. Ah, bon. J'ai déjà vu des mecs à la télé. Les poules, non. Ils hypnotisent des poules à la télé. Ouais. Non, mais tu sais, la poule, c'est pour la faire flipper, dormir. Il la tient, et il fait, regardez-moi la poule. Et la poule, poum, il y a la tête, elle s'écroule, mais t'as l'impression qu'elle s'est pris une bastos, quoi. C'est fort, ça. Non, ils l'ont juste drogué juste avant, ils ont juste fait une picouse à la poule. C'est ça, ouais. Ou alors, c'est une poule en plus chez Arthur. C'est pas super, ouais. Allez, on va hypnotiser la poule. Mais non, elle est pas en peluche, regardez, elle bouge. Ah, ouais, elle bouge. Ouais. Regardez, c'est lui ouais. Qui a la main dedans. Ouais, il a la main dedans. Code, code, codec. Ouais. Bon, on va donc parler hypnose dans un instant. Pour ceux qui nous ont laissé des messages, qui croyaient pas, qui croyaient, il y en a plein qui croyaient aussi. Hein. Oui, on en a parlé hier matin dans le morning, et puis hier soir, on en a reparlé aussi. C'est le mec qui regardait l'émission d'Arthur. Donc, c'était un des mecs qui regardait l'émission d'Arthur. C'est déjà pas mal. C'est pas grand monde. Là, Messner avec ouais. L'hypnose, là. Avec Star sous hypnose. Et le mec, donc, s'est fait soi-disant hypnotiser devant sa télé. Bien sûr. Voilà. Il appelait le SAMU, les urgences, genre, ils ont pas autre chose à foutre, SAMU étant les urgences. Non. Le mec a regardé la télé, il a été hypnotisé et il a appelé les urgences. Au secours, je suis hypnotisé, au secours, le SAMU. Voilà. Et d'ailleurs, mais ce matin, il a donné une interview dans le journal, j'ai pas eu le temps de la lire, mais. Qui, le mec? Disait quoi, le mec? Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est que le mec, c'est-à-dire, ils l'ont remis en liberté quand même. Ah, oui, le quand gars même. Qui a regardé, c'est lui qui a fait l'interview. Ouais, il a fait une interview dans Le Parisien aujourd'hui en France, là. Oh, j'ai oui. Trouvé le journal dans la poubelle. Ah, voilà, tu vois, Le Parisien termine dans la poubelle, à Skyrock. Ça alors? Comme chez moi, comme à Marseille, on les met tous à la poubelle. Ouais, ou au chiotte, j'aurais bien vu. Au chiotte, ouais. Nous, on lit la Provence. Ah, bah, ça oui. Y est, je lis le témoignage. Ah, alors, écoute bien, Mounir, t'as 19 ans, t'es hypnotiseur et Mounir. Alors, musique qui fait peur, s'il te plaît. Alors, musique qui fait peur, si tu veux. Ben, alors, musique, attendez, bougez pas, je vais la chercher. La voici, la voilà. Hop là. Alors, le titre de l'article, oui. Hypnotisé via la télé, possible. Bien sûr. Après, il y a un petit encart avec Denis, hypnotisé en regardant la télévision. Le titre au-dessus, je me sens un peu groggy. Et ouais, parce qu'il a encore des effets 4 jours après. Le mec, quand même. Denis ne veut toujours pas se rasseoir sur la chaise où il est resté cloué, incapable de bouger pendant près d'une heure et demie, il y a 3 jours. Mais il dormait, il s'est endormi devant l'émission tellement c'était chiant. Ah oui, c'est trop ça. Traumatisant, confie ce cacagénaire joué hier à son domicile dans les Landes qui s'est trouvé samedi soir sous l'emprise de l'hypnotiseur québécois Messner alors qu'il regardait son émission sur TF1, ouais. Pourtant à plusieurs centaines de kilomètres du plateau d'enregistrement. Ouais. Ma tension est bonne, je n'ai aucune séquelle physique, si ce n'est une grande fatigue, et je me sens toujours un peu groggy, raconte encore ému ce chef d'entreprise. Il fait flipper quand même. Oui, il fait flipper. Tu vois, par exemple, j'aimerais pas que ce soit mon patron. C'est un chef d'entreprise. Au beau milieu du dîner qu'il partage avec ses trois filles et sa femme, ce samedi soir, Denis décide, sans trop savoir pourquoi, de suivre à la lettre les instructions du charismatique fascinateur. Il a fait quoi? Au moment où il a dit « Vos doigts se vissent », je les ai serrés très fort. En mangeant. Je me suis tout de suite senti partir sur un moment intime. À un moment donné, je me sentais tellement tendu que j'ai cru que j'allais faire un AVC. Hop. Non, mais c'est... Wow, il va pas bien, lui. Il lui tient devant la table. C'est le... Voilà, Marie. Elle veut qu'il était bourré. Il avait un peu chargé l'apéro, le père. Bah, ouais, forcément. Ah, bah, je pense, ouais. Ah, ça, ouais. Putain. Au début, ses proches pensaient à une blague. Le voyant figé, bras tendus, les dents passant du blanc au violet. Les dents du blanc au violet. Les dents. Non, les doigts passant du blanc au violet. J'allais dire tout le monde. Bon, alors, au départ, l'hilarité tourne à la panique. En gros, au départ, toute sa famille se foutait de sa gueule. Ouais, bah, j'aurais fait pareil. Et après, panique. Ni l'eau, jetée au visage. Les mecs, ils nous vidaient des seaux d'eau sur la gueule. Eh oh, Johnny! À table. Il fait flipper, lui, on nous dit là. Ni les gifles. Ni... Le mec s'est pris des seaux d'eau sur la gueule et s'est pris des graves dans la gueule. Par sa famille. Oui, il s'est fait marave par la famille. Ni les encouragements de son entourage ne parviennent à le sortir de sa transe. Appeler. Voilà, les pompiers, moi je suis dans ma transe. Tu veux ressentir? Alors ça va, merci. Voilà, je lève le bras. Je suis en plein en transe. Madame, ah après, continue. Appeler les pompiers ne savent quoi faire. J'étais conscient, j'entendais tout, explique-t-il. Je voyais un trou noir qui m'attirait et qui m'apaisait. Ah, c'est moi le trou noir. Non. Mais je devais lutter pour ne pas y entrer. Ouais. Sa femme appelle les pompiers, mais les secours restent démunis face à cette situation inédite. Ah oui, d'accord. C'est finalement elle qui réussira à le tirer de sa léthargie. Elle m'a regardé dans les yeux, a compté 1, 2, 3, et je me suis réveillé, poursuit Denis. Si j'avais été seul, je ne sais pas comment j'aurais pu revenir à moi. Ah bah oui. Convaincu que ce sont bien les paroles de Messner qui l'ont mis dans cet état, mais Denis s'étonne d'avoir été si réceptif. Non, mais... Ah ouais, mais c'est très étonnant, en effet, oui. Il avait testé l'hypnose avec une infirmière, ça n'avait pas marché. Ah bah voilà, donc quoi. Voilà. Alors regardez la télé, ça vous hypnotise. Mais non, il s'est endormi tellement c'était chiant, nous dit là sur le 41759. C'est OM Fan qui vient de nous laisser un message. L'alcool est dur chez certains, nous dit Alan. Oui. Ah bah, lui était loin. Kitam qui nous dit là, le mec il a dû trop tirer sur le rouge, effectivement. Ouais, un peu attaqué. Mais alors toi, Mounir, explique-nous, puisque toi tu es dans l'hypnose. Oui. Oui, tu vas parler comme ça tout le temps. Non, je rigole, mais j'arrête. Il est quand même hypnotiseur. Parce que là, je me suis dit, il est en train d'essayer de m'hypnotiser, Mounir. C'est faisable par téléphone. Alors, est-ce que ça marche par téléphone? Parce que dans ce cas-là, faut faire un test. C'est un peu plus compliqué. Ah bah, faut le faire. Non, mais allez, faut qu'on fasse le test. Montre-nous, man. Alors, montre-nous comment on nous hypnotise. Moi, je propose Cédric. On lui fera faire un test. Non, tous les auditeurs, non. Vous diriez pas qu'on fasse un test avec tous les auditeurs et vous? Si tu veux. Si, on peut hypnotiser l'ensemble de la France. Alors attention, avec les urgences, vous allez recevoir des coups de fil ce soir de quelques tarés qui vont vous appeler pour vous dire j'ai réussi à être hypnotisé sur Skyrock. Demandez aux gens autour de vous de prévoir des seaux d'eau. Oui, et clair de mettre des baffes dans la gueule. Et une machine à baffes. Alors comment t'as découvert ça, toi? Non, c'était un délire avec mon frère et tout. On regardait des trucs paranormaux, etc. Et ensuite, par la suite, je me dis, c'est intéressant l'hypnose et tout. Donc, on a regardé beaucoup de vidéos. Ouais. Et moi qui est autodidacte, donc j'apprends tout seul et très vite. Ça veut dire quoi? Autodidacte, ça veut dire t'apprends tout seul et très vite. Ah d'accord, merci. Voilà, je viens de le dire. T'apprends tout seul, surtout. Tout seul, ouais, surtout. Oui. C'est gentil, man. Et en gros, j'ai commencé à lire des bouquins dessus, mais pas des petits, vraiment des gros. J'ai enchaîné, j'en lisais 2-3 par jour. Ah, tu t'es passionné, quoi. Vite, par contre. Putain, t'es à fond. Ouais. Oui, j'étais à fond dedans. Et après, je me dis, je vais essayer sur les gens. J'ai essayé des petits tests sur les gens. Et ensuite, au fur et à mesure des mois, j'essaie d'aller de plus en plus loin. Et j'endorme les gens maintenant. C'est qui la première personne que t'as hypnotisé, toi? Je connais pas. Ah, tu sais pas qui c'est? Ah, une personne comme ça. Mais c'est quoi? La première fois, c'était où? C'était dans la rue, là, comme tu fais actuellement? Oui. Spectacles... Mais j'ai toujours travaillé dans la rue. Moi, je suis prêt de me faire hypnotiser par un mec que j'aurais peur qu'il pète. Par exemple. Mais après, il y a la confiance, quoi. Il y a la confiance, mais oui. Ah bah oui, mais la confiance, quand on ne se connaît pas, c'est vrai. La confiance, ça se gagne. Non, moi je le ferai pas. Mon ami. Non, mais en tout cas, je regarderai par contre. T'es où, t'as dit? À Paris? Lille. Lille. Ah, merde, c'est un peu loin. Mais ça se fait un peu. Je peux venir. Pourquoi pas, tiens? Tu fais ça où, à Lille? Devant l'Opéra de Lille. Donc, à Lille-Lillois, si vous voulez vous faire hypnotiser. Un spectacle, c'est gratuit, déjà cher. Tu mets une cape? Bah oui. Non, même pas. Le seul truc que j'ai que tout le monde me reconnaît, c'est un bonnet. Tu as un bonnet? Il pleut, qui fait beau, qui. N'importe quoi, j'ai toujours un bonnet sur moi. Donc d'accord. C'est Mounir et son bonnet. Et t'as déjà fait faire des trucs chelous à des gens ou pas? Oui. Quoi, par exemple? On était avec des amis et des amis, etc. Mmh. Et on commençait à jouer des petits jeux d'hypnose, donc je les endormais un peu tous, j'ai réveillé, etc. Et il y en a qui m'ont demandé de faire des orgasmes aux autres. Ah, donc en plein milieu de la rue, tu les hypnotises, voilà. Et à un moment, il te dit, hey, on va rigoler, fais faire un orgasme à ma meuf. Et là, t'as la meuf qui est là. Ouais, super, qui a pas l'air con en plus, c'est bien. Elle fait ça, une trace entre les jambes et en plus, à la fin. Et elle fait quoi entre les jambes? Une trace, tu vois, elle a bien mouillé tout. Ah, t'as fait mouiller la meuf avec de l'hypnose? Non mais... Ouais. Vas-y, tu peux le faire dessus, non? Hey, tu peux le faire sur Marie, là? Ouais, vas-y, fais-le. On va faire le test tout de suite. Pas besoin d'hypnose pour que je me mouille. Ah, cool. Non, c'est vrai. J'ai la culotte trempée. Non, non. Je veux dire, entre nous. Non, non, non. Tiens, je suis à Lille ce week-end, si tu veux. Ramène-moi l'hypnotiseur, D-Fool. Merci. Julien, tu peux partager ma page et mon snap et tout? Non, mais écoute, ce qu'on peut faire, c'est... est-ce que tu peux faire un truc d'hypnose à la radio, là, ce soir, en direct ou pas? Oui. Bon, alors, on te garde, tu nous expliques comment tu fais, et dans un instant, on vous hypnotise sur Skyrock. Bon, on y va pour toi, donc, Justine. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'amène? Pourquoi tu nous appelles, tout ça? Bah, c'est un peu spécial, en fait, parce que j'ai envie de vomir, mais... Ah, Cédric! Seulement au moment où j'ai le plaisir qui monte, où j'ai envie de jouer, et ben du coup ça me bloque parce que c'est une phobie pour moi. Ah, c'est quand tu fais l'amour, je crois que t'avais envie de vomir depuis que tu étais avec nous en ligne. Non, pas du tout. Non, hein. Non. Non, tu confirmes, hein, non, c'est pas c'est nous. Horrible. Hein. Donc tu as envie de vomir, alors, comme nous les gars quand on balance la purée, toi tu vomis mais tu craches par la bouche. Nous c'est pas le zizi. Voilà. Nous c'est le zizi. Qui ouais, c'est la bonne bite. Il a beaucoup craché ton zizi ce week-end. Ouais, ça va. Ouais, franchement, il a bien pleuré. T'es content de lui? Ouais, assez content. Si je suis content vrai. De lui. Tout seul ou en couple ou comment? En couple. Rien tout seul. En solo. Non, même pas. Tu vois, j'ai même pas eu besoin. Ah, ça c'est les bons week-ends. Hein. Week-end, carrière avant envie de bite. On a même pas besoin de sa main. Je l'ai récompensé. Il fallait nous appeler. J'ai pensé, mais je me suis. On en a des bites aussi. Faire un peu trop. Donc toi, en fait. Quand t'as du plaisir, quand tu commences à jouir, t'as envie de vomir. Le moment de l'orgasme. C'est l'enfer. Ouais. Que alors, je sois accouchée toute seule ou avec un gars, ça change rien. C'est chelou, ça. J'allais demander si c'était pas à cause de ton mec qui sentait mauvais. Non. En tout cas, au moment de jouir, si on a bien compris, et même quand t'es toute seule, quand t'es avec un gars ou quand t'es toute seule, t'as envie de vomir. Ouais. C'est bizarre, ça. Quel enfer. Mais c'est depuis tout le temps, ça te fait ça. C'est ouf, ça. Ouais. Ah ouais, putain, c'est chiant quand même. Mais ça t'est déjà arrivé de clicher pendant l'amour? Bah en fait je m'arrête toujours avant parce que c'est ma phobie, du coup je peux pas, je suis complètement bloquée. Donc tu te refuses le plaisir pour pas vomir. Ouais, c'est vrai que si tu vomis sur ton mec, mais est-ce que tu vomis vraiment ou t'as juste envie de vomir? Bah pour l'instant je suis pas allée jusqu'à vomir. Non mais même si tu rotes ou quoi, tu sais, des fois t'as des relents, ça va le dégoûter. C'est peut-être la nouvelle tendance de roter, de péter pendant qu'on fait l'amour. C'est peut-être pour montrer qu'on est vraiment en couple, bien, qu'on c'est se super. Sent bien ensemble. Oh, tu m'aimes ma chérie. Oh ouais. Ah ouais, au bout de 20 ans, mais. Non, mais c'est non, vrai. Mais que... même au bout de 20 ans, je pense que t'évites de roter à la gueule de. Ah oh bon? Surtout quand t'es en train de niquer, ah quoi. Ah bah, c'est clair. Oh là, moi je pète, moi. Oh bah, c'est mieux. Mais du coup, t'as jamais joui? Non. À fond. Vraiment. En vomissante. Ce truc j'essaie de tenir le plus possible, mais après. Mais est-ce que toi, moi, j'aurais. Bon, moi, je suis peut-être un peu maso. Hein. Ouais. Mais tu vois, étant donné que ça te le fait quand t'es toute seule, j'aurais continué jusqu'à me faire dégueuler. Bah, moi, je ferais pareil. Ouais, mais le problème, c'est que c'est ma phobie de vomir. En fait, je suis sûr que tu vas pas vomir en plus. Comme t'as jamais vomi en prenant du plaisir, parce que tu t'arrêtes avant, mais je suis ouais, sûr mais bon, que si tu continuerais, je suis sûr que tu vomis pas. Non, mais des fois, tu le sens. Moi, par exemple, le week-end dernier avec ma crêpe. Oh putain. Oui, mais le week-end dernier, t'as fait une intoxication alimentaire à cause d'une crêpe. Ouais, mais je l'ai senti. Aux bactéries. Non, mais tu sens quand tu vas vomir. Tu sens que dans le bide, il se passe un truc chelou et que ça va remonter à n'importe quel moment. Donc j'imagine que toi, Justine, ça te fait pareil. C'est ça. Ça me reste coincé à la gorge. C'est sale le sexe. Enfin, ça dépend quel sexe, oui. Ouais, le mien, ouais. Il est très sale aujourd'hui. Ah ouais. Ah non. Oh, il est sale depuis mercredi dernier. Oh, bah ouais. Mais est-ce que c'est sale de faire du sexe? Ou est-ce que c'est des trucs qu'on te dit Ouais, genre tes parents qui te disaient c'est dégueulasse. Oui, c'est sale le zizi. Oh non. Non, parce qu'il y en a qui peuvent se dire c'est sale, donc quand ils font l'amour, enfin je sais pas, j'essaie de trouver une solution moi. Ouais, enfin l'amour ou quand elle se. Non, je trouve pas ça sale. Non, mais quand je dis sale, tu vois, c'est quelque chose de pas bien quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, pas du tout. Mais vu que t'as envie de. Tant mieux. Vu que t'as envie de vomir, par exemple, t'arrives à sucer ton mec sans vomir? Ouais. Ah. C'est juste quand tu sens que tu vas avoir du plaisir. Ouais. Bon, c'est quand même con. On va voir. C'est vrai que c'est juste au moment fatidique. Ah, c'est vrai que c'est, ouais, c'est con. Ah, ça, c'est sûr. Ah, c'est, bah, non, ça c'est, fait ça, chier, c'est quoi. Bon, tu bouges pas, reste avec nous. On prend juste tes réactions pour Justine, là, parce que pour Justine, on en a plein des réactions et des filles. Justine qui a envie de vous. Ouais. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé un truc bizarre au moment de jouir? Justine, toi, quand tu vas jouir, tu le sais, puisque t'as le vomi qui monte. Ouais. On va prendre Isa alors. Salut Isa. Salut. Alors, toi, pendant l'orgasme, il t'arrive des trucs bizarres aussi, mais c'est pas envie de vomir, toi, hein. Non, en fait, c'est, alors, c'est pas pendant, c'est après, en fait, c'est une envie de pleurer. Toi, tu fais partie de celles qui pleurent pendant la mort. T'es contente, tiens. Ah, c'est sympa. T'es heureuse, ma chérie. Et là, elle fond en larmes, elle te fait. Voilà. Oui, tu as l'air très heureuse, ma chérie. En fait, il y a deux émotions, en fait. C'est sur le moment, c'est, je pleure, mais de joie, en fait. Ouais. Et après, une fois que c'est passé, je pleure, mais de tristesse, en fait. Je pense que c'est. C'est toute la pression. Non, mais tu lâches tout, ouais, à mon avis, tu dois tout lâcher. Voilà, t'es pas juste ça. Complètement ravagé. Tu t'es posé des questions dans la première fois que t'as pleuré après avoir eu un orgasme, tu t'es dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je dis, je suis dépressive. Ouais, tout à fait. Et c'est très frustrant, en fait, parce qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe, on ne contrôle rien, en fait. Et c'est vraiment une sensation de tristesse. Enfin, pas de mélancolie, mais vraiment envie de pleurer. Et ça, c'est quand t'as eu un gros orgasme, ça. C'est ça. Ah. Mais ton mec, ouais, les premières fois, il a halluciné, non? Ah, je sais pas, il a pété un plomb, en fait, je comprenais pas trop. Ah bah, tu m'étonnes. Un peu affolé, donc quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Tu te mets à chialer comme une madeleine. Bah ouais, t'es content. Non, même toi, tu sais pas ce qui t'arrive, en fait. Alors attendez, on a retrouvé Mélissa en plus. Bonjour Mélissa. Coucou. Ah, ça y est, t'es là. Salut Mélissa. Donc salut, toi, Mélissa. À chaque fois que tu fais l'amour, il t'arrive aussi un truc bizarre, juste après, c'est ça? Ouais, moi, juste après avoir fait l'amour, je suis dégoûtée, en fait. J'aime pas ça, je me sens salue. Ah, alors toi aussi, tu appelais parce que tu es sortie avec un des membres de l'équipe, je crois. Salut les filles. Non. Mais casse-toi. Mais que ce soit avec n'importe quel mec, même si t'es super amoureuse d'un gars, ça m'a... Attends, j'ai pas compris, tu fais quoi? Elle est dégoûtée. Après. Chaque fois qu'elle fait l'amour, t'as du plaisir, ou pas d'ailleurs. Enfin, en général, c'est quand t'as du plaisir que t'es dégoûtée, ou pas? Ben, j'ai du plaisir, oui, à chaque fois que je fais l'amour, mais après, un coup que c'est terminé, je suis dégoûtée. Ah, c'est pas un coup où t'aurais fait l'amour, le mec, bon, il est nul, t'as rien senti, là, tu te mets, là, t'es dégoûtée, tu te dis, oh, putain, fais chier. Mais ça arrive souvent au mec, ça. Mais t'es dégoûtée à gerber, ou Ben, je me sens sale, je regrette de l'avoir fait. Ah ouais? Bah, il faut pas. C'est mignon, l'amour. Bah oui, surtout, bah. Tout dépend avec qui tu le fais, par contre, c'est vrai. Oui. Non, mais à partir du moment où les deux sont d'accord, c'est beau. Mais pourquoi? Même quand t'es super amoureuse d'un gars, tu t'es super bien avec lui, vous faites bien l'amour, passez un bon moment. Et même après, même avec lui. Même après, t'es dégoûtée. Même après. Bah, je suis avec mon copain depuis 2 ans, et oui, même après avoir couché avec lui, tu lui dis d'ailleurs, tu me dégoûtes. Ouais, il sait. Oui, dégoûte, casse-toi. Oh, le pauvre. Et tu sais pas d'où ça vient? Non. Mais ça, ça doit venir d'un truc de l'enfance, quand on te dit, ouais, le sexe c'est sale. Non, même pas, tu réagis un peu comme les mecs, parce que ça vous arrive pas, vous. Ouais, ce que je disais. Tu niques qu'une meuf. Mais ça, c'est quand tu ramènes un tromblon, ça. Non, mais même, non, pas forcément, gros. Non, mais t'es excité. Non, tu niques qu'une meuf, et après, dès que t'as craché, tu veux vite te casser, t'essaies d'être dégoût, t'as même pas envie de lui parler. Ça, c'est quand tu récupères une meuf en fin de soirée, bon, il reste ce qui reste, hein, qu'est-ce que je te dis. Ça doit vous arriver. Je l'ai fait avec l'autre, la Mamouta. Ah, avec Mamouta. Tu sais, genre, quand elle vient pour te faire, tu sais, tu la cannes, elle vient après pour te faire un câlin, mais vas-y, lâche. Ah non, moi, j'avais appelé un taxi à ce moment-là, moi. Partir, madame. Madame, faut y aller, là. Et t'as jamais cherché d'où ça venait, toi, Mélissa, cette histoire? Non, jamais. Ouais. Ah ouais, il n'y a pas une fois où t'as fait l'amour et... Pas dégoûté. Et t'as pas été dégoûté derrière? Non, jamais. C'est parce que t'as pas couché fois, avec du fois, fleur, c'est ça. C'est ça, t'as pas connu. Exactement, voilà. Mais oui, mais c'est ça, c'est sûr. Ah, mais bon. C'est bizarre, quand même. Bah, écoute, si ton mec, ça va, il supporte? Bah, oui. Bah, t'as sûr, il a pas le choix. Bah, oui, le pauvre. Voilà, c'est ça. Et tu fais l'amour souvent? Non. Ah bah ouais, forcément. Non, mais si ça pose un problème, faut aller voir quelqu'un. C'est ce que disait d'ailleurs, il y a plusieurs messages qui disaient ça pour toi, Justine. Si tu vomis ou si t'as l'impression de vomir avant de jouir. Faudrait peut-être aller voir quelqu'un. Et sinon, il y en a plein qui te disent. Alors tu vois, on dit pas que des conneries dans l'émission. Ouais, ouais. Il y a 34 qui nous a laissé un message et qui nous dit, comme Romano et Difool tout à l'heure, il faut aller au bout. C'est-à-dire qu'il faut aller à la jouissance. C'est-à-dire quand t'es toute seule, vas-y, même si elle a l'envie de vomir, elle monte. Essaye quand même de. Ah, prévois un saut, ce qu'on disait, mais. Mais je suis sûr que tu vas pas vomir, moi. Touche-toi la moule, ouais, t'en faire dégueuler. Vraiment, c'est une phobie, en fait. Ouais, c'est devenu une phobie. T'as la phobie du vomi, tu nous as dit là. Non, mais c'est ça, c'est un cercle vicieux. Tu penses à ça tout le temps, du coup. Et il y a Samos qui te dit ouais, bonjour, non, mais je connais une fille de Lyon qui s'appelle Justine. Elle a la même voix. Bah, c'est pas la même. La nôtre, elle est de Nancy. Et elle vomit partout. Merci Samos, 19 ans. Et elle vomit partout, en plus. Non, enfin, t'as juste. Ouais, bah, c'est vrai que c'est quand même chiant, quoi. Mais essaye d'aller jusqu'au bout. Et puis sinon, parle-en, je sais pas, la prochaine rendez-vous que t'as avec ton médecin. C'est vrai que c'est pas facile à aborder, mais bon. Ou avec ton gynéco. Sinon, il y a des trucs. Hein, il y a des médicaments. Prends les mêmes médicaments que Romano. Tu vas voir après, tu n'as plus envie de rien. Non, mais il y a des antivomitifs qui existent. Hein. Attends, prends. T'as vomi combien de fois ce soir? Bah une fois de plus. Non mais c'est vrai que ça peut être psychologique. Si tu prends un antivomitif avant, tu te dis que peut-être tu vas pas vomir. Bon, ça peut peut-être le faire. Essaye hein. Bon, attention, ça existe, demande à un médecin et puis voilà. Tente le coup, j'essaie. Ouais, même sans ordonnance, Vogalib, les trucs comme ça là. Exactement. Essaye d'aller au bout et puis demande à ton gynéco la prochaine fois que tu vas le voir. Le gynéco, il est prêt à entendre des trucs comme ça. Ouais, bien sûr. Oh, je demanderai. Bah oui, tu demandes. Et puis tu tiens au courant surtout, hein, si t'as la réponse à tout ça. Merci les filles, merci Isa, merci Mélissa, on vous embrasse toutes les trois et on vous envoie le t-shirt Skyrock à la maison, c'est parti. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at de Rihanna qui pose sur un son de Calvin Harris sur Skyrock, juste avant de retrouver Patrick le Pervers pour la suite de la spéciale de Difool. Plein de choses à vous annoncer. Déjà, on a des invites, on a 400 invites actuellement dans la roulette à vous offrir pour la tournée Skyrock de Rihanna. Rihanna, quand elle débarque en France, elle choisit Skyrock. Elle sera au mois de juillet, vous le savez, hein, du côté de l'Alliance Riviera de Nice, au Grand Stade de Lyon, du côté du Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq et au Stade de France à Paris-Saint-Denis. Les invites, elles sont dans la roulette. Ça peut tourner à n'importe quel moment. Peut-être avant la fin de la spéciale de Difool, peut-être tout à l'heure. N'en Rai Suprême et puis tout au long de la semaine avec toute l'équipe, le hashtag gagne Rihanna avec Skyrock. Ça peut tourner à n'importe quel moment. Un petit mot de foot également pour vous signaler que l'Allemagne, ça s'est passé du côté de Lille, l'Allemagne a battu l'Ukraine 2-0 et on a l'euro à vous offrir bien évidemment la suite de la compète. Ça sera gagné demain matin dans le morning de Difool, soyez à l'écoute, hein. Il y aura des places à gagner pour les 8e, les quarts, les demi et la finale entre 6h et 9h. Un résultat également à vous annoncer, la victoire de Romano dans le super clash de la drague du dimanche. Romano qui a littéralement pété, explosé, pulvérisé Cédric Lebel. Victoire de Romano, 91% des votes, 9% seulement pour Cédric. Une bifle, une humiliation on peut le dire. Voilà, il y aura un nouveau clash en direct demain soir à pas louper, ça sera à partir de 21h. Et pour fêter cette belle victoire de Romano, tout de suite vous allez retrouver Pamela. Voilà, Romano qui se déguise en Pamela, c'est un collecteur qu'on se met maintenant un coup de fil à Patrick le Pervers. On reparlera également des chasseurs de fantômes et d'hypnose pour la suite de la spéciale de Difool jusqu'à minuit sur Skyrock. Elle est blonde ou brune, son sein gauche fait 85A et le droit 95E. Elle n'a que 3 doigts et travaille dans la mode, enfin elle est modéliste quoi. Pamela, le moment le plus sensuel de l'émission. Allô? Oui. Patrick? Oui. Oui, c'est Pamela. Comment ça va? Ça va tout doucement. Bah, joyeuse Pâques. Ouais, merci, c'est gentil. Tu sais, Patrick, ce soir j'ai une surprise, je ne suis pas toute seule. Ah, d'accord, t'es avec qui? Je suis avec un copain. Ah, bah, c'est bien. Voilà. Tu veux qu'on fasse des trucs ensemble au téléphone? Bah, écoute, là j'attends quelqu'un. Tu attends quelqu'un, hein? Oui, tu peux me rappeler demain? Demain? D'accord. Demain matin, demain soir? Demain matin, non, je m'en vais de bonne heure, demain soir? Demain matin, tu t'en vas à quelle heure? Oh, je m'en vais à 8h30. Oh, ben, je te passerai un petit coup de fil rapide avant, alors. D'accord, ok. À demain, mon mignon. Ciao. Attends deux secondes, je te passe quand même mon ami. Ouais, d'accord. Oui. Oui, bonsoir. Oui, on était prêts tous les deux. C'est pas possible, alors, maintenant. Bah non, parce que là, si tu préfères, j'attends quelqu'un, donc... T'attends une femme? Oui, une copine qui doit venir, là. Ah, tu vas lui donner un peu? Bah, peut-être un petit peu, quoi que j'ai l'air loin, j'ai un espèce de limbago, donc j'ai pas trop la forme, tu vois. Ah ouais, ça fait mal ça. Bah oui, ça fait très très mal. Mais tu veux pas nous dire 2-3 cochonneries avant qu'on se quitte? Bah écoute, là j'attends, elle doit arriver donc Oh allez, juste 2-3 mots. Bah je sais pas, qu'est-ce que tu voudrais que je te dise? Ah, allez, bah c'est toi, choisis ce que tu veux. Ah bon? Bah t'es comment là? T'es à poil non? Oui, là je suis à poil, oui. Ouais, tu le suces? Ah oui? Pas encore mais... Ah ça y est. Ah ça y est, je le suce. Tu le suces là? Oh oui. C'est bon hein? Oh oui. Il a une bonne queue? Oh oui, refreux. Hein? Oh oui, vas-y, avale bien. Il va bientôt éjaculer là? Ah oui, ça vient, ça vient! Ça y est déjà? Oh oui! Non, il éjacule rapidement! Ah, j'ai une précoce! Ouais, tu veux le faire sodomiser là maintenant? Oui! Je suis précoce en fait! Hein? Ah oui! Ah, tu veux qu'il me la mette dans le derrière? Ouais, je veux qu'il te sodomise là! Alors, comment? Ah voilà! Vas-y, c'est bon, tu peux y aller mon chéri! C'est vrai, là? J'arrive! Attends! Mais je ne peux pas, il y a des vents contraires! Ah d'accord, oui, bah ça c'est pas grave ça. Ah, allez. Aïe, aïe. Aïe. C'est bon là. Ah oui, oui. C'est bon là, elle est longue. Ah. Elle est longue. Aïe. Il te pénètre bien à fond là. Ah, à fond. Hein. À fond complètement. Ah là, il tape dans la crotte là. Hein. Vas-y, qui l'aille très vite. Okay, là, vas-y, vite. Allez, va très vite là. Là, il y a à fond là. Ah. Une bonne cochonne. Hein. Oh oui, quelle cochonne. Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse avec ma minette? Bah écoute, t'as un petit god à côté de toi, non? Comment? T'as un god? Oh non, mais j'ai une chaise. T'as une chaise? Je vais la mettre à l'envers. Voilà, tu la mets à l'envers, ouais. Ah oui, bah allez. Oh, chaise! Oh, elle est peut-être un peu grosse, là. Je me suis trompé avec la table. Ah bah, c'est pas grave. Ah, elle est toute bien faite, là. Hein. Ouais. Ressuce-le. Ressuce-le bien, là. Encore. Bien à fond. Je suis dans les hôpitaux. Vas-y, bien à fond. Vas-y. Tu vas lui prendre son sperme dans la bouche. Ah non. Là, je le garde. C'est mon sperme, il est à moi. Hein. Ouais, t'as le droit. Ah non, mais c'est mon sperme. Je reprends mon sperme, non? Tu me rends mon sperme, maman. Ailleurs. Allez, voilà. Bon, bah écoute, Patrick. Ouais, bah tu m'appelles demain. Ah, à demain. Bon, okay. On t'appelle demain. D'accord. À demain matin, bisous. Bisous sur ta queue. Ok, d'accord. C'est la spéciale du dimanche soir. avec le meilleur de Difool sur Skyrock. Enzo en ligne avec nous là, on va prendre des nouvelles de Marseille. C'est avec lui que t'étais, Samy? Ouais, c'est avec lui qu'on parlait de foot. Ah, très bien. Il est d'accord avec moi sur pas mal de trucs. Hein. Il est d'accord avec toi sur pas mal de trucs. Évidemment. Salut à toi, Marseillais. Donc t'as 25 ans, salut, Enzo. Salut l'équipe. Bienvenue. Ouais. Bon alors, dis-nous Enzo, pourquoi tu nous appelais? Parce que tu nous appelais pas pour parler de l'OM. Tu nous appelais pour parler d'une. Alors moi je vous appelais parce qu'en fait je suis un peu accro aux escortes. Donc accro aux escortes, c'est ça. D'une... Ah, aux putes quoi. Ah, addiction aux putes, ouais, en gros, voilà. Pour résumer. Enfin, putes, mais les putes à domicile quoi. Oui, putes quoi. Putes à domicile. Des putes, ouais, voilà. Les putes qui se déplacent, des putes. Voilà, c'est ça. Ouais, que ouais. Tu trouves sur le net? Ouais, je les trouve sur internet. Et j'y vais ben quasiment tous les jours. Hein. Wow. Et tous les jours aux putes. Mais tu claques combien, gros? Cher, mais putain. T'es riche, hein. Ah, Cédric, il connaît bien les tarifs. Voilà, combien par jour tu mets, combien par jour ça te coûte? 100 euros. Ah ouais, putain, elles sont chères en plus. Ouais, c'est 100 euros. Ouais, c'est vrai qu'elles se déplacent à la maison. Escorte, c'est plus cher que les meufs que tu trouves dans la rue, c'est ça? Ouais, c'est un peu plus cher, ouais. Dans la rue à Marseille, c'est 50. Alors Marie veut faire un petit calcul, elle veut nous dire combien ça lui coûte par mois. Putain. Ouais, oui, bah vas-y, calcule. 100 euros par jour. Oui, bah. Allez, bon, j'y vais pas le week-end, hein, j'y vais qu'après le travail. Ah, ouais, mais là, tu compliques les calculs pour ouais, Marie. Tu fais là. Chier, là. Qu'est-ce que t'en penses, Romano? C'est cher. Ah ouais, putain. Tu seras accro aux putes? Non, je pense pas. Pourquoi? Je sais pas, moi j'aime pas trop, je trouve ça glauque. Ça coûte. Oh, ouais, puis faut payer. Non, mais putain, c'est. Ouais, mais même. C'est pas comme les putes de rue, hein, c'est pas pareil, hein. Ouais, tu peux te doucher, tu. Ouais, ouais, mais non, mais je trouve ça glauque, peut-être pas sale, le fait que la meuf elle soit sale ou n'importe quoi. Non, ouais. Je sais pas, c'est la situation, tu sais, de payer une meuf qui se fait tringler toute la journée. Non, mais peut-être une fois, peut-être ça peut être un délire, bon. Mais. Ouais, bon, moi je sais pas, c'est pas trop mon délire. Bah, moi. Le problème c'est qu'il n'y a pas de séduction et tout ça, puis en plus ça te coûte. Mais il y en a que ça excite d'aller direct au cul, tu vois, tu payes, tu baises. Et... Non, mais bon, des fois c'est agréable de baiser direct et de se parlementer pendant 3 heures. Ouais, mais attends, tu vois tout le temps la même ou pas? Il y a un peu de séduction aussi, même avec les putes, hein. Ah bon? Il y a portugais, ouais, du coup. La séduction, c'est quand tu ouvres le portefeuille, quoi. Oui. Oui, mais bon, après, quand on regarde bien la plupart des filles, il faut quand même sortir un peu le portefeuille, hein. Sinon. Oui, mais c'est, ouais, tu vois, c'est pour l'acheter à bouffer, c'est pas pour leur dire, bah tiens, je te paye, je te baise. Ouais, voilà, c'est différent. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et tu changes à chaque fois? Ouais, je change à chaque fois. Bon, enfin, j'en ai où c'était des fidèles, quoi, pour moi. Mais après, j'essaye d'avoir un peu tout. Alors. Et ça fait que du coup ça m'a créé une expérience sexuelle de fou quoi. J'ai vécu des choses J'imagine. Des choses incroyables, hein, parce que c'est des pros quand même. Et en baisant une fois par jour, 5 jours par semaine, c'est clair que tu as une certaine expérience. Ça c'est évident. Mais tu prends jamais la même? J'essaye, non, pas la même. Enfin, jamais la même, mais. Mais tu trouves où l'oseille? Sur la semaine, j'en fais toutes des différentes. Après, la semaine d'après, je peux reprendre une que j'ai pris la semaine d'avant. D'accord. Et mais t'en fais. Mais un petit rendez-vous hebdomadaire. C'est bien. Mais tu trouves où l'argent? Parce que ça revient cher quand même. Ouais, bah, l'argent, c'est. Je travaille, hein. Bah, ouais, ça me revient à peu près ça, 2000. Et tu gagnes combien? Ouais, c'est ça, je travaille pour les plus. Je gagne 2000 à peu près. Ah ouais, donc tu dépenses 2000, tu gagnes 2000. Un peu moins, j'avais aussi un peu de sous de côté. T'as tout niqué. Et les sous de côté, ben voilà. Hein. Ouais, c'est glauque, j'ai mis dans les putes et dans le jeu aussi. Parce que tu T'as toutes les qualités. Pas mal. Tiens, je suis tombé d'ailleurs sur un truc assez marrant. Il y a des demandes bizarres qui sont faites aux prostituées. Je suis tombé ça sur le net, ils ont fait une petite compile. Ah. C'est qu'on fait des petites compiles le matin de sondages ou de genre de choses. Qu'est-ce qu'on a demandé de bizarre à une prostituée? Petite compile. Un client qui voulait, par exemple, que la femme lui morde les muscles du bras. C'est le seul truc qu'il voulait. Il est allé la voir, il dit je vous paye. Putain. Oh là, les 50 euros, mords-moi les muscles. Ah ouais, vas-y. 50 euros, j'en sais rien, mais en tout cas, il est allé voir la pute, il lui a dit, j'aimerais que vous mordiez les muscles du bras. La meuf était hyper contente, elle a témoigné, elle a dit, moi j'étais hyper contente, parce que pour une fois qu'on ne voulait pas me baiser, oui. Ah ouais, mais attends, mais. Oui. Oh là là. Non mais bon, tiens, on a déjà eu des putes qui nous expliquaient, il y a des mecs qui payent juste pour parler. Ouais, discuter avec les mais je trouve ça plus normal qu'un mec t'as chez lui. Ah non, pour moi une pute c'est pour baiser, je suis désolé Marie. Non mais il y a plein de mecs. À ce moment-là, tu veux parler, je sais pas, tu vas dans un bar, tu parles avec des gens. Psy, tu rencontres des gens. Ou un psy, oui. Ou un non docteur, mais on a eu des auditeurs qui étaient tombés amoureux de certaines escortes ou. Oui, mais c'était ça. Et qui allaient pour discuter en fait. Oui, mais ça marchait que dans un sens quoi. Le problème c'est que l'amour il n'était pas réciproque. Ah bah c'est dans un sens, oui, ça je te confirme. T'es dans le portefeuille, l'amour. Ah bah ouais, surtout. Bon, un client un petit peu bizarre aussi, qui voulait... Alors lui, ça a eu un délire avec la bouffe qu'il avait, et il a demandé à la pute qu'elle recouvre son corps de flageolets. Le mec, il est arrivé avec, avec des espèces de boîtes de flageolets, il a demandé... Ah mais c'est dégueulasse. Il lui a dit, allez, vas-y, recouvre-moi de flageolets. Et pourquoi pas foutre des rillettes ou... Et pourquoi pas foutre des rillettes? T'as jamais demandé ça, toi, à tes collègues, Cédric? Tes amis du soir, tu sais. 15 amis du soir. Les mecs, les meufs dans les vitrines, les camionnettes, là, tu sais, les. Ah, je parle dans les camionnettes. Voilà, moi, je vais pas dans les camionnettes, je vais dans les hôtels de luxe. Hôtel de luxe. Sinon, t'arrives avec tes flageolets, ça peut être pas mal. Eh bien, écoute, éclate-toi bien, mon ami Enzo. Bah ouais, faut continuer. Voilà, continue. Voilà. C'est bien, tu fais travailler l'économie du sexe. C'est ça. Très bien. Non, mais relance l'économie. On nous dit il y a des putes, faut bien des mecs pour les baiser. C'est le message de Thomas là qui nous laisse un petit message. De mecs qui vont. Exactement. Et Cédric, quel est ton avis sur la question? Qu'est-ce que t'en penses? Bah non, j'ai envie d'y aller, qu'il y a, tu vois, mais pas autant, tu vois. C'est cher. Bah tu m'étonnes. Tu genre toi, tu vas tous les combien, toi? Bah, je vais pas moi. J'ai essayé de le cramer bien. Ah, t'as vu, on a essayé là. Non mais Cédric, entre nous, on est entre nous là. Entre nous. J'ai coupé les émetteurs. Vas-y, parle. Cédric, non mais tu y es déjà allé. Il y a longtemps. Bah, oui, il y a longtemps. C'est quoi que t'appelles longtemps? Deux mois. Non, il y a longtemps, il y a plusieurs années. L'année dernière? Il y a plus, non. Il y a 6 mois. Regardez sa tête. Non, je te dirais. Non, mais tu sais, il a une tête. Comme quand il y avait les votes du je vais trop me faire passer pour un mec qui passe sa vie là-dedans. Bah, non, mais pas ta vie. Ça fait plaisir, Cédric. Tu sais, on n'a qu'une vie. Il faut savoir en profiter. Mais tu y es déjà allé avec Karim? Non, jamais. Mais je l'ai cramé, lui, là-bas. Mais ah bah, Karim, il donc, donc Cédric il est va pas mais il traîne dans le quartier où il y a que des putes, c'est dingue. Ah non, parce que j'ai un pote qui habite c'est pas super loin. Et voilà, il s'appelle Mario, elle est dans sa vitrine. C'est un bon pote hein. Eh ben on la salue Mario. Je vois la voiture de Diffou, je fais putain, je la connais cette voiture. Ah l'autre il était parti au pute avec ma voiture en plus. Eh ben il manquait plus que ça, tiens. Le top bug, le classement officiel des bugs de Romano sur Skyrock. La spéciale de Diffou qui se poursuit, on va reparler des chasseurs de fantômes, des pyromanes, on prépare un tout nouveau double appel également, mais tout de suite, c'est la tradition le dimanche soir dans la spéciale de Diffou, c'est l'heure du récap du top bug de Romano avec cette semaine une sortie dans le top bug. Hein, c'est terminé pour le bug qu'il y aille avant qu'elle aille baver. Et donc toujours à la cinquième place du top bug de Romano, c'est le bug. Y a Cyril, lui, il fait la fête. Y a Cyril, lui, il fait la fête. Entrée directement numéro 4 du top bug. C'est Pamela qui fait son apparition dans le top bug de Romano. Son retour avec le bug. J'ai la minette épilée et plus longue sur les côtés. J'ai la minette. Moins 1 pour le bug Hello qu'on retrouve à la 3ème place. Hello. Deuxième, le bug Je dois bien t'avouer qui gagne une place par rapport à la semaine dernière. Je dois bien Et pour la 3ème semaine consécutive, c'est le bug Je la trouve anti-sexy au possible. Numéro 1 du top bug de Romano. Pour voter pour vos bugs préférés, vous allez soit sur l'appli des bugs de Romano, soit sur le diffool.skyrock.com. Des nouveaux bugs à découvrir en direct, ça sera mardi soir. Un nouveau classement mercredi à partir de 21h. La spéciale qui continue, Mustapha Jefferson. C'est le tout nouveau Niska qu'on se met maintenant sur Skyrock. Après t'avoir offert plus de 200 places pour l'Euro 2016, Skyrock et le Crédit Agricole remettent ça dans le morning de Default sur Skyrock. Et tous les matins dans le morning, gagnez vos places pour les 8e, les quarts, les demi et la finale de l'Euro. Skyrock! Rendez-vous tous les matins entre 6h et 9h. Morning show! Et gagne tes places pour les matchs de l'Euro 2016. Skyrock! Crédit Agricole, partenaire national de l'Euro 2016. Skyrock est premier sur le Foot mon frère! Love au 6-20-70, rencontrez par SMS des centaines de gens qui vous ressemblent. L'amour de toute une vie, votre nouvelle sœur de cœur. De nouveaux amis, Love, L-O-V-E, au 6-20-70. Le service de chat 100% SMS et sans abonnement. Envoyez Love au 6-20-70. 50 centimes plus prix du SMS DGP. Avec les offres Trilogy, vous avez 3 bonnes raisons de rouler enfin en BMW. Un taux de financement exceptionnel, 3 ans d'entretien offert et la garantie étendue à 3 ans pour 1 euro de plus. Uniquement sur des occasions sélectionnées par votre concessionnaire BMW. Offre Trilogy jusqu'au 18 juin chez votre concessionnaire BMW Premium Sélection. Offre limitée à 300 dossiers. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Financement de 12 à 48 mois sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Voir conditions sur bmw.fr. Une seule radio est officiellement partenaire des concerts de Rihanna en France. Et c'est encore Skyrock. Hi, this is Rihanna and you're listening to Skyrock. Un mois avant le raz-de-marée Rihanna. Skyrock t'offre les dernières places de concert pour les 4 stades de Rihanna. Are you guys ready? Exclusive. Allianz Riviera de Nice le 15 juillet. Grand Stade de Lyon le 19. Stade Pierre-Mauroy de Lille le 23. Stade de France à Paris le 30 juillet. This is Rihanna. Rihanna, l'anti-world tour. Avec Big Sean en première partie. C'est 400 places. 400 places en exclu sur Skyrock pour voir Rihanna en concert. Bonjour. Écoute Skyrock et gagne tes places Rihanna à tout moment. Skyrock. Yo, la spéciale de Diffool. 21h minuit sur Skyrock. Allez, collez la cougar. Il est pas doué. Collez la cougar. Sur Skyrock dans toute la France, Mustapha Jefferson, le son rap français de Niska sur Skyrock, la spéciale de Difool qui se poursuit jusqu'à minuit. Un big up à tous ceux qui font tourner le hashtag la spéciale de Difool sur les réseaux sociaux, ça tweet, ça yax. Un big up à Vincent Jalabre, à One Baby Girl, à Jules du 02, le fidèle, à Defray, à Lilou 19. Vous aussi faites pareil, hein, faites tourner le hashtag, faites tout péter, la spéciale de Difool, les moments les plus dingues de la radio libre de Difool. Ça continue jusqu'à minuit, le retour de Sabril Pyromane, c'est juste après le double appel qu'on se fait maintenant. Allô. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Ah ben, c'est vous qui avez appelé. Le double appel de Difool sur Skyrock. France est la première famille de la soirée. Allez, c'est parti, mon kiki. Marie-France et JC. Marie-France et JC. On les met en contact et on récupère tous les numéros que vous nous laissez. Depuis 21h, c'est la folie. Vous êtes complètement déchaînés ce soir. Bon, là, ça répond pas, a priori. Chez ma... Ah, ah, on a un fax. Un fax, sympa. Ah là, c'est un fax. Allô. Allô. Allô. Allô. Oui. Il y a deux. Oui. Qui a l'appareil? Vous voulez qui? Bruno. Comment? Bruno. Non. Vous vous amusez depuis ce matin, là, moi je vais aller déposer plainte si ça continue, hein. Vous commencez à m'emmerder. C'est moi qui va dire, qui va porter plainte. Moi c'est moi qui va dans la gendarmerie. Moi je vous connais pas, je sais même pas qui c'est vous êtes. Alors donc, y a une personne qui téléphone sans arrêt là, et puis elle me dit c'est elle qui va porter plainte, c'est moi qui va porter plainte. Hein, il y a des gens qui font le con, hein, c'est tout, c'est pas nous, hein. Nous, on est là, ils téléphonent seuls et je prends le téléphone, hein, c'est tout, hein. Je vous demande qui est-ce que vous êtes, et vous me répondez pas. Patrick. Hein. Hein. Patrick. Comment? Tu vas bien, je m'appelle Cédric. Cédric comment? Patrick. Cédric Patrick, et moi je m'appelle Jean-Claude. C'est ton nom à lui. Et Cédric, il s'appelle. Comment? Comment? Il faut qu'il t'encule, là. Qui? T'es Ménem, là, tu sais, en stick, là. Bah, moi, je vous comprends pas du tout. Salut, hein. Les filles. Eh ben oui, mais nous, on travaille ici, hein. Donc, disons que c'est nous qui reçoivons les coups de téléphone, hein. Attendez, je vous passe mon épouse, vous verrez. Patrick. Patrick, comment? C'est Cédric. Patrick, Cédric. Mais Cédric de où? Bah, je sais pas, dans une montagne. Comment? Et t'es comment, ta chatte est comment, là? Non, mais dis donc, ta chatte, elle est comment? Non, mais ça va votre tête, non, espèce d'idiot, bon salopard. Mais ça va pas, Cédric. Mais si, t'étais venu avec ton copain Patrick. Ah oui, c'est pas je vous ai entendu tous les deux, j'ai bien vu votre petit manège. Ah, salopard. Ah, l'autre, ça l'a choqué. Ah ouais, mais dis donc, ta chatte, elle est comment, salopard? Cédric et Patrick, non, mais je vous ai entendu tous les deux, ta chatte, elle est comment? T'es comment, ta chatte, est comment? Ouais, je t'ai bien entendu, ouais. Et tu es venu avec ton copain Cédric, c'est bien ça? C'est Cédric. Eh ouais, c'est Cédric. Et ouais. Encule-le.

Justement, c'est ça le truc, c'est que si la personne ne veut pas, elle ne se fera pas hypnotiser. C'est ce que les gens flippent en fait de ça, ouais. De se faire hypnotiser, qu'ils disent oh, on va faire des trucs de fou. Si la personne ne veut pas, elle ne se fera pas regarde hypnotiser. Regarde l'autre taré là qui s'est fait hypnotiser devant sa télé, ah, regarde Arthur. Personnellement, j'ai l'impression que c'est de la se faire hypnotiser d'aussi loin ouais. Sans que la personne non, en fasse. Non, mais lui, c'est un teubé. Non, mais lui. Moi, je suis désolé. Ah, attendez, faudrait savoir. Avec tout le respect qu'on lui doit, ce monsieur. Exactement, mais teubé ou taré aussi. Non, mais le mec, à la base, je pense qu'il est fragile psychologiquement. Ouais, non, mais... C'est-à-dire que ouais, tu vois, le mec. C'est un peu compliqué d'hypnotiser d'aussi loin. Non, mais il doit être un peu zinzin, tu vois. Bon, avec tout ouais, le respect qu'on lui doit, ce brave Denis. Voilà, brave Denis. Bien non, sûr. Mais ouais, non, mais tu vois, le mec, il est un peu. Ouais, et ton mec, il t'a déjà fait des trucs chelous ou pas? Alors en fait, bon, moi je suis quelqu'un de très jalouse de base, donc il a réussi entre guillemets à me réguler ma jalousie. Ah, et après pour ça. Faire. Ah, ouais. Je vais te présenter ouais. Une copine à moi, tiens. Ah putain, c'est bien ça. Non, enfin, je vais lui présenter. Pour le problème, par exemple, on va dire paranoïa, de claustrophobie, ce genre de choses, bah, l'hypnose thérapeutique, ça aide vachement. Bon, passons maintenant à la démonstration. Hein. Allez, moi j'attends ça avec impatience, vous aussi d'ailleurs. Tu as un nom d'artiste, oh, Mounir. Alors, Mounir de Lille, 19 ans. Comment tu t'appelles? L'hypnotiseur, c'est Mounir. Non, mais il a un nom d'artiste. Tu vois, ça marche, l'hypnose, on a déjà oublié tout ce qui s'était passé dans sa vie. Non, mais je lui demandais s'il avait un nom d'artiste. Oui, c'est MN Dreams. MN Dreams. MN Dreams, D-R-I-M-S. Pour trouver sur les réseaux, on peut taper MN Dreams. Alors Mounir, on est assis, donc il faut être assis pour la séance d'hypnose. Ouais. En fait, ça c'est vous, tu me dis si ça marche. On est assis, on a les jambes, les deux pieds collés. Moi je suis assis, ouais, là, j'ai les deux pieds collés. Ouais. Attends, je vais nous mettre un peu dans le noir. Allez, vas-y, man. Pas obligé, il a dit. Ouais, mais on alors, ouais, voilà, restez comme pour l'ambiance. Vous êtes. Ouais. Et juste, mettez des écouteurs ou mettez en haut-parleur vos téléphones, les gens. Ouais, moi, ça, j'ai les casques, tout va bien. On a nos casques, ouais, vous avez les casques, mais pas tout le monde. Oui. Donc voilà. Et dès que c'est fait, vous allez tendre vos bras. Comme un somnambule. Faut fermer les yeux ou pas même? Oui, fermez vos yeux, comme ça ira beaucoup plus vite. Mmh. Mettez vos mains face à face. Mmh. Pardon? Je dis, on n'a pas l'air con. Oui, vas-y. Mais non, mais c'est bon. Écoutez, ouais, mais maintenant... manne-toi, j'ai mal au bras. Moi, ouais, moi aussi, j'ai pas les somnambules. Alors, okay. Alors ensuite, donc, il faut faire quoi? Ensuite, maintenant, vous n'allez plus parler et vous me laissez parler, ok? Mmh. Vous restez calme, vous prenez des grandes inspirations et vous allez penser juste à vos mains. Et juste avec le son de ma voix, vous allez voir que vos mains se rapprochent maintenant. Avec le 1, vos mâles se rapprochent de plus en plus. Avec le 2, ils sont aimantés l'une à l'autre. Avec le 3, de plus en plus que je continue à parler, vos mâles vont commencer à se rapprocher de plus en plus. 3 fois plus. Juste avec le son de ma voix, la main, elle se rapproche. Avec le 1. Avec le 2, ça se rapproche de plus en plus. Avec le 3, vos mâles vont se toucher, elles vont se coller. Avec le 1, elles se touchent maintenant. Avec le 2, elles se soudent de plus en plus. Avec le 3, impossible pour vous de décoller vos bras. Vos bras, ils sont collés l'un à l'autre. Ils sont soudés. Vos mains, elles se figent. Elles vont se toucher, elles vont se coller avec le 1. Avec le 2, elles se bloquent. Et avec le 3, impossible pour vous de les décoller maintenant. Tous ceux que vos mains touchent l'une à l'autre, impossible de les décoller. Toutes les personnes qui entendent le son de ma voix, vos mains, elles se touchent, elles se collent maintenant. Et ceux qui sont collés, impossible pour vous de les décoller. Je vais compter de 1 à 3. Voilà, moi j'arrive 3, pas à les décoller parce qu'elles sont sales. Regarde, c'est collé. Ça se décolle maintenant. Et là, c'est bon. Ah, c'est bon, ils sont décollés. Okay, ah, déjà, ça, moi, c'est même pas collé, moi. Arthur, c'est de l'arnaque. Ah, bonjour, Arthur. Arthur, le spécialiste de l'arnaque. Oui, Arthur, qu'est-ce qui se passe? Eh, bonjour, c'est de l'arnaque. Et vous savez, il y en a qui ont dit des trucs pas cons. Il y en a qui ont dit que le mec Denis, là, dont on parlait, qui a dit qu'il s'était fait hypnotiser par l'émission, c'est juste un coup de pub qui a été payé par TF1 pour faire du buzz sur l'émission. Ta gueule, faut pas le dire. Ah, merde. Ah, merde, non, parce que l'émission avait un mauvais buzz, tout le monde disait que c'était bidon. C'est de l'arnaque. Alors, chez qui ça a marché? Je fais un tour de table. Ah ouais, donc si ça a marché, tu peux faire des trucs aux gens. Oui. Non, c'est que, ça veut dire qu'ils sont réceptifs après... et que tu peux éventuellement les hypnotiser. D'accord, c'est ça. C'est ça, en fait, c'est le test pour savoir si t'es réceptif à l'hypnose. Mmh. Alors, c'est exact, Mounir, Mr. Dreams, là. Mr. Dreams. Oui, oui, exact. Maître Dreams. Alors, Maître Dreams. Alors, Romano, est-ce que ça a marché? Non, absolument pas. Non, mais moi, j'étais pas dans les conditions pour que ça marche. Optimal, moi non plus. Il y avait Samy qui était là derrière. Oh, regarde, comme on a l'air con. Non, mais en fait, moi. C'est vrai qu'on n'était pas dans les conditions optimales. En plus, ça m'oppresse, moi. Tu sais, les gens qui parlent vite comme ça, qui parlent. C'est ça, les hypnotiseurs. C'est comme ça. J'ai envie de péter un câble. Et ouais, demande à être hypnotisé pour oublier que t'as un gros nez. Quel est le con qui m'a mis ce message? Je vais te dénoncer à la France entière pour t'humilier devant tout le monde. T'as ça défilé. Dommage. Attendez, je vais te retrouver. Bonjour à Dani. Qui ça a marché? Alors les messages, dis-nous si ça a marché. Bah, Samy, ça a pas marché. Marc, absolument pas. Ça a fonctionné, son truc, c'est un truc de malade. Ah ouais. Coco, ça marche, sa mère. Ça marche, sa mère. Il a fumé combien de joints, votre auditeur hypnotiseur, nous demande Mathieu. Non, mais il y en a plein. Romano, ça a pas marché. Non, Marie, ça a marché. Non, moi, maman était attirée par ma canne. Mon maman, elles sont collées parce qu'elles sont sales. Ah non, moi, ça me faisait mal au bras. T'es tellement sportif, Cédric. Je te jure, mais pourtant, il était concentré. Hein. Ouais. Tu l'as gardé. Au début, j'étais à fond dedans, mais ouais. Ça n'a pas marché, Cédric. Non, non. Non. Karim ? Bah, moi, mes mains ne sont pas collées. Donc ça n'a pas marché. Bah rien, ça n'a pas marché. Donc ça n'a pas marché. Alors des messages, les faits, ça a marché, Jadou. Ça marche, c'est dingue. Voilà, il m'a eu, message de Azertiop. Ça marche, la preuve, je ne peux pas vous écrire. Et non, tu mens, parce que tu viens d'écrire, je t'ai... C'est ce qu'il dit. Je t'ai grillé, le mytho Smithy. Smithy, 16 ans. Je l'ai fait, ça a marché. Ah, bah tiens, sur doublant, dis-tu qu'il me décolle, ce connard. Ah oui, genre la radio, elle a coupé quand il a dit 3. Hein, ça fait 1, 2, et le 3, ça fait... Pff. T'imagines, tu passes sous un tunnel à ce moment-là. Ouais, ça, ouais, oh ouais, putain, ouais. Je suis à se bloquer à vie maintenant. Ça marche. Non, mais c'est marrant. Dans tous les cas, ça se débloquera. Tu vois, j'ai du mal à y croire, mais il y a quand même pas mal de messages qui nous disent regarde, Coco, 14 ans, ça marche sa mère. Ça a marché, ça a fonctionné pour Rest in Peace. What the fuck, ça fonctionne. Bon, ça a rien fait pour Illiplay, ça a marché pour Gwenawa. Mort de rire, c'est de la merde pour Olivia Eck. Salut, Olivia, 18 ans. Il y a des gens qui ça marche pas, c'est ce que disait Mounir. Non, mais justement, Mounir, à propos de ça, est-ce que tu as fait des statistiques? C'est quoi à peu près le pourcentage sur des gens sur lesquels ça marche? Je préfère en fait le faire en face parce que en face je l'ai aimé plus rapidement. Ouais, mais en général, par exemple, dans la rue, sur 10 personnes, ouais, combien de personnes t'arrives à 8 sur 10, c'est quand même. Ah ouais, putain, c'est putain, c'est beaucoup. Ah ouais, je pensais que c'était moi. Putain, faut que tu viennes. Non, mais les gens qui viennent dans la rue là pour te voir, ils viennent pour ça uniquement ou... Bah non, en fait, à la base, ils sont assis avec des amis, ils boivent un verre ou quoi, et je vais vers eux, je leur propose une séance. Voilà. Ouais, tu vas aller voir. Ouais, souvent, dans la nuit de samedi à dimanche, vers 4h du matin, ça marche mieux. Les mecs sont à 10 grammes. Donc... Je tombe. Les mecs, ils dorment déjà, en fait. Non, mais j'avais vu dans un reportage, le reportage que j'avais vu, surtout sur les hypnotiseurs comme toi, là, dans la rue, il y avait un mec qui avait fait ça à un couple. Oui, en fait, pour qui voler était assis. Des objets et tout. Ouais, ouais. Et il avait demandé la montre au mec. Et il est reparti avec sa montre et il est revenu. T'as prêt de rendre lui ça. Tu sais, il l'a réveillé pour lui rendre, mais le mec ne s'en souvient pas. Non, mais ça, je préférerais, tu vois, les techniques de pickpocket, moi. Je peux passer en mode inconnu pendant 2 minutes. Oh, vas-y, oui. Bonjour, je m'appelle Franck. Bonjour Franck. Donc Franck, vraiment énormément d'auditeurs quand on passe les uns derrière les autres ce soir. Donc Franck, tu nous appelles de Marseille, je crois. Hein. Oui, voilà. Voilà. Donc je prends le petit accent marseillais. Exactement. Tu es Franck de Marseille. Ah bah oui, je prends jusqu'au bout. Allô, ouais, moi. Tranquille. Mais oui. PJ en tant que cul. Non, en fait, je suis parti dans un magasin de pommes. On va pas citer la marque. Et je suis sorti avec un de leurs ordinateurs. Apple, d'accord, ok, on avait Et t'as fait quoi, hein? Pardon? T'as fait comment? J'ai hypnotisé le vendeur. J'ai hypnotisé la vendeuse, j'ai pris l'ordinateur, je suis sorti. Ouais, et jusque devant. Non, je te promets. Ouais, pff, mytho. Moi, j'ai Karim, il est dégoûté parce qu'il a déjà essayé, il s'est fait choper, lui. Non, mais moi, je l'ai hypnotisé, moi. Il s'est fait hypnotiser par les gens. Par contre, une fois, ils montré, j'ai jamais vu, il y avait un mec qui passait à une période, souvent à la télé. Le mec, en fait, il arrivait à piquer des trucs, genre, il discutait avec toi, genre, sans t'en rendre compte, le mec, il te vidait les poches, il piquait oui, ta montre. Oui. Comment ça s'appelle, les mecs qui font ça, là? Pickpocket, Romano. Ouais, non, mais il y a pas un nom parce que le mec, non, mais lui, c'était pas tu sais, c'était un spectacle qu'il faisait, c'est-à-dire, il faisait ça, tu vois, il faisait monter quelqu'un sur scène, le mec, il discutait 2 minutes avec lui, l'autre, il repartait, il ressortait les trucs, tiens, j'ai récupéré ton mouchoir, ta carte bleue. Ouais, tenez, madame, j'ai récupéré votre tampon. C'est super. Oh, tiens, mais je m'en étais pas rendu compte. Bravo, monsieur Mounir. Et Mounir, tu sais comment il s'appelle là? Parce que tu sais, il l'avait fait dans Touche pas à mon poste, là. Ils avaient fait venir un hypnotiseur aussi, là. J'en connais que deux en fait. Lui aussi, le mec qui fait des... Ouais. Et Casalo. Ça doit être lui peut-être, ouais. Par contre, tu vois, bon alors je sais pas, peut-être que c'était du mytho aussi, hein, touche pas à mon poste. Mais moi, il me faisait flipper, genre Mathieu Delormeau, quand il était hypnotisé, mais le mec, il avait une gueule toute chelou. Ah, tu te souviens, Marie? Oui, mais le mec, il avait pas du tout la gueule de d'habitude, mais il faisait flipper, tu disais qu'il allait tuer quelqu'un, quoi. Hey, Cariel Killer. Ouais, c'est vrai, je me souviens. Ouais. Ah ouais, il avait une gueule flippante, genre, tu sentais que le mec, il était pas dans son état normal, quoi. Bon, bah écoute, Mounir, si tu passes un jour par Paris, tu viens nous voir. Ouais, y a pas de souci. Hein, on se fait une vraie séance en face à face. Le réveil de star. Une star. Une star. Un appel. On écoute. Salut, c'est Zizou sur Skyrock. Merci Zizou. Ah ouais, la classe. Allez, Denis qui se fait réveiller par Zizou ce matin. On l'a réveillé ce matin. Écoutez bien, c'est Denis et Zizou. Ouais. Oh, lui. Allô. Bonjour. Bonjour. Bonjour. J'entends rien. Non, mais c'est qui au téléphone? Moi. Je suis Zidane. Zidane. Ah, c'est Schkouz. Ouais. Bonsoir. Je suis heureux. Qu'est-ce qui t'arrive? Je travaille en collaboration avec le Real Madrid. Écoute, ben, je sais pas, ça me paraît bizarre. Pourquoi pas? Ben, je sais pas, je vous reconnais pas la voix. C'est Zizou. Zizou, je connais pas Zizou. J'ai préparé quelques questions pour toi. Ouais, vas-y, je vous écoute. T'es plutôt rap ou plutôt YouTube? YouTube. Plutôt cuisine française, ouais, ou fish and chips? Française. Tu es plutôt coach ou plutôt président? Ah. Oh, j'ai un malin au téléphone là. J'étais ravi de t'interviewer, c'est la première fois que je fais ça. D'accord. Et dans quelle voie vous cherchez du travail? Vous travaillez actuellement ou vous cherchez du travail? L'équipe de France est pour moi la chose qui me soit la plus importante qui me soit arrivée dans ma vie de professionnel. Donc. Mais arrête de me parler de l'équipe de France, j'en ai rien à cirer du football, moi je veux savoir qui tu es. C'est Zizou. Mais Zizou, j'en ai rien à cirer, Zizou, putain. Pas mal le mec, hein. Bon, pour parler, non, hein. Pas mal, les deux beaux yeux. Ouais, j'ai des beaux yeux, surtout une grosse main. Ah oui, oui. Ouais, je suis quelqu'un de très chaud, moi. Alors, me chauffe pas comme ça, parce que ça, je te dis, ça commence un peu à me saouler, tu vois. La provocation ne doit pas exister. Ouais, ça doit pas exister, ouais. Mais toi, tu crois que tu provoques pas, toi, à casser les couilles comme ça, hein? Vous savez, c'est facile de critiquer quand vous êtes à l'extérieur. C'est vrai. Oh putain, fais pas chier. Ça devient même pénible. Bon allez, va chatouiller ta chatte, va faire l'amour à ta femme, si t'as autre chose à foutre, ou à ton homme, et puis va te gratter, d'accord? Tu me laisses tranquille. Non. Allez, salut. Hey, salut. Je t'aime. Mais je t'aime, il est mignon, ce Zizou. Oui. Bravo Zizou. Champion, oui, mon frère. Et bravo Denis aussi. Hein. Et la fameuse expression, va te faire chatouser, je sais pas quoi. Va te faire chatouser ta femme, je sais pas, oui. Bon, on apprend des expressions nouvelles tous les matins dans le morning. La spéciale de Difool, 21h minuit sur Skyrock. La spéciale, c'est le meilleur de Difool tous les dimanches soirs sur Skyrock de 21h à minuit. Les meilleurs moments de la radio libre, aussi quelques épisodes du morning comme on vient de se faire à l'instant avec le réveil de star de Zinedine Zidane, le réveil de star de nouveau réveil de star à retrouver demain matin sur Skyrock à 6h15, 8h-10 et 9h-10. La spéciale, c'est terminé pour ce soir. Un big up à vous tous, on a passé une belle soirée. Je fais des dédicaces à Camille, à Alex Posé également, à vous toutes et vous tous qui avez écoutez le son de Skyrock, même tous ceux qui n'ont pas envoyé de message. Voilà, on sait que vous êtes là et on pense à vous. Il y aura des places à gagner, hein, pour l'Euro demain matin, le morning de Difool entre 6h et 9h à pas louper, avec les 8e, les quarts, les demi et la finale à gagner entre 6h et 9h. On rappelle la belle victoire de l'Allemagne face à l'Ukraine ce soir, 2-0, et donc la suite de la compète à choper demain matin entre 6h et 9h. Vos places également pour la tournée Skyrock de Rihanna à Nice, Lyon, Paris et Lille à gagner à n'importe quel moment de la journée dans la roulette. Peut-être des places dans Rai Suprême avec Fred et DJ Kate, peut-être, en tout cas, il y aura des invités à gagner toute la journée. Il y en a 400 en jeu actuellement sur Skyrock. Là, on laisse l'antenne à Fred et DJ Kays. On y va pour 2 heures de rail. Passez tous une bonne nuit. C'est parti pour Rail Suprême sur Skyrock. Allez, let's go! Rail Suprême. 2 heures. DJ Kays, d'ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. Allez, et comme chaque dimanche soir, soyez les bienvenus pour Rail Suprême. DJ Kays, yes, comment ça? Bah, très très bien, on a passé une super semaine, on s'est régalé. Et une, là, et une grosse ce soir, ouais, une grosse émission. Ah oui, oui, ce soir, une grosse émission, on va s'éclater. Il y a Isno, qui va ambiancer comme d'habitude, il y a Screech, énorme. Et il y a notre ami Ryan, les conneries de Ryan. Isno, qu'on peut déjà saluer, yes. On saluera tout le monde juste après. Bien sûr. Mais Isno, comme il est arrivé, voilà, déjà d'entrée de jeu, il a posé le matos, il a dit énorme l'émission de ce soir. Ouais, oui, j'ai préparé que du lourd. Donc ce soir,

va chercher l'album. Tu connais